Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 27e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, un tunnel de test de nouveaux jeux dont on va vous parler. Et je vous présente la fine équipe de VR for Player, à commencer par le grand Manitou. Laurent, salut Lolo. Le grand Matitou est là, salut. Le Matitou, le grand Matitou, si tu veux. Hakuna Matata, quoi. Ensuite, on a Majo. Ça va, Majo? Bonsoir, ça va. Bonsoir, chef. C'est la première fois que je t'entends. Ah, c'est beau, ça. Salut. Ah, tu vas plus sentir pisser après. Ouais, c'est déjà, je me suis fait un peu. Je fais un peu de la lèche. Moi aussi, je veux une émission, ça, moi aussi. D'accord. Et enfin, nous avons le beau Cyril. Salut, Cyril. Salut à tous. Alors, beau, peut-être pas, mais Cyril, c'est sûr. Non, mais c'est pour faire rêver, t'inquiète, je t'ai vu. Bon, c'est pas d'illusion. Ah, voilà, tu vois. Bon, donc vous l'avez bien compris, on va parler de beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de tests qui sont sortis sur VR for Player ces derniers temps. Mais on va commencer par l'annonce qui vient de tomber. Là, on enregistre, on est le 21 novembre. Et l'annonce vient de tomber sur le prochain Half-Life VR, le Half-Life Alyx, exclusif sur Steam. Et donc voilà, est-ce que vous avez vu la vidéo de présentation? Oui. Oui, mais il n'est pas exclusif sur Steam, il est exclusif sur Valve. Non, il est compatible sur tous les casques VR. D'accord, bon alors, je vais me flageller, je pars, je vais... S'il te plaît, voilà, et force bien. Et donc voilà, ouais. c'est exclu Steam forcément parce que bah, c'est du Valve. Ça reprend, on va dire, l'univers de Half-Life 2, clairement, au niveau des décors et au niveau de l'ambiance et même des ennemis. En fait, tout ce que vous avez vu dans Half-Life 2, bah, vous le reverrez certainement dans Half-Life Alyx. Il a commencé à être annoncé le 19 novembre et finalement on nous apprend qu'il sera disponible sur Steam en mars 2020. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle en tout cas pour tous les PCistes qui nous écoutent. Mars 2020, ouais. Bah, ils prennent leur temps. Hein. Ouais, c'est proche. Hein. C'est assez proche, mais au moins ils ont pris leur temps. On savait qu'ils préparaient de toute façon 3 jeux VR. Ils ont commencé à annoncer du coup le premier. Je pense que ça va bien grincer sur les forums parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient justement le nouveau Half-Life et pourquoi pas le Half-Life 3. Et on a ça comme annonce, donc nous qui avons des casques VR, on est comme des petits fous, mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué à digérer pour tous ceux qui appréciaient la licence Half-Life et qui sont pas encore équipés. Il ne reste plus qu'à jouer. C'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais. En VR, on a le jeu. Et voilà, c'est ça. Mais surtout qu'un casque sur PC. Enfin, ok, il y a la config qui coûte une couille, mais ouais. un casque, tu peux en toucher un à 200-250 euros dans les WMR facile et puis avoir du bon matos, quoi. Il y a un truc qui est plutôt sympa. Donc en fait, là, ça va être. Ouais, parce qu'on part du principe que. Ceux qui ne sont pas équipés, mais qui voudraient quand même, qui avaient l'espoir d'avoir ce jeu en écran plat, ça doit nécessiter quand même une belle config PC. Donc on va dire que la config PC, ils l'ont déjà, il leur manque plus que le casque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais, bah oui, après, bon, là, il n'y a, pas, c'est bien résumé, y a hein. pas de doute possible que ça va certainement. Enfin, il n'y aura certainement pas de version plate parce que sur le trailer, on voit bien que le motion gaming est bien mis en avant. Mm-hmm. Le but, ça va être vraiment de l'immersion totale dans le monde d'Half-Life 2. Et ça a l'air super bien, quoi. Ça a l'air vraiment. Ah, il a l'air magnifique. Ouais, il a l'air super beau. C'est. Je sais pas si par contre on aura certainement plus de news dans les prochains jours là. Je sais pas si c'est le moteur source en fait qui avait été utilisé justement pour Half-Life 2. Le jeu a l'air un tout petit peu plus beau que le Half-Life 2 original qui commence à avoir quand même une sacrée paire d'années. Mm-hmm. Mais c'est moi ça me fait bien plaisir. En tout cas moi ça va être Day One, hein, ça c'est clair et net. Hein. Pour celui-là. Mais t'as bien de la chance. Ouais. C'est vrai, t'as la mort un peu. Hein, non. Ouais, franchement. Même toute la mise en scène qui est faite, ça a l'air hyper dynamique. C'est un peu ce qui manque souvent à la VR. Donc non, franchement, ça a l'air hyper alléchant. Quoi. Mais c'est bon, j'ai survolé le trailer là rapido. C'est le jeu est nativement pensé pour la VR. On est d'accord? Oui, complètement. Oui. Ah oui, complètement, ça se voit. D'accord. Total. Ouais. Ok. Et vous pensez quoi de cette décision de la part de Valve de produire un jeu tant attendu par la communauté, par les fans, de le produire uniquement en VR. Est-ce que c'est un signal ou est-ce que c'est, on va dire, un préquel et quelque part ils vont sortir le Half-Life 3 prochainement Est-ce que c'est une orientation prise par Valve? Un choix fort? Valve, non. Moi, je pense que c'est une... Valve, de toute façon, ils croient en la VR, donc ils y vont à fond, et surtout, ils marchent tellement sur l'eau qu'ils font ce qu'ils veulent de leur licence. Ils ont toujours fait ça, ils ont toujours montré des innovations importantes à chaque fois qu'ils ont sorti un Half-Life, et donc là, c'est, pour moi, c'est la suite logique, hein, et puis même ça pourrait être qu'une lubie de Gabe Newell, qui est le dirigeant, on va dire, historique de Valve, que ça m'étonnerait même pas, en fait. Hein. C'est des gars un petit peu comme Zuckerberg pour Facebook, s'ils croient en un truc, ils mettent les ronds dedans, et puis... Il n'y a personne qui viendra leur dire... Je dirais que c'est même très intelligent. Enfin, je sais pas, moi, tu contrôles... T'es dirigeant d'un studio, comme Valve, comme beaucoup d'ailleurs. Je trouve ça très intelligent qu'ils fassent au moins une expérience en VR. Parce que imagine que la prochaine génération, la VR, explose. Ils n'auront plus le temps derrière. Ah oui, il va falloir clair. Qu'ils soient opérationnels tout de suite. Donc... ils se font un peu cracher dessus parce qu'ils ont utilisé cette licence pour qui était tant attendue par les joueurs PS4, mais derrière ils protègent leurs arrières également en faisant ce genre de choses. Tout ce qu'ils apprennent pendant les 3 années qu'ils ont dû mettre à développer, parce que ils l'ont commencé, le PSVR n'était pas sorti, hein, je pense que le projet il est long. Non mais là on parle de casque PC. Non mais je veux dire oui, PC ou je veux dire il y a 3 ans de ça ils se sont dit tiens on va faire une version d'Half-Life VR. Et puis là, maintenant, ils commencent à en parler parce que le projet est abouti. Mais s'ils ont lancé des équipes dessus, ben comme ça, en interne, ils savent qu'ils ont au moins 3-4 gonzes qui ont bien traîné pendant 3 ans dans la VR et qui savent le faire fonctionner. Ouais, c'est clair. Donc, rassure-moi, Laurent, là, tu ne nous as pas balancé une exclue. Par hasard, le jeu va sortir sur PS4? Non. Impossible. Non. Impossible. Bon. C'est trop une brouette là, pour la VR, la PS4. C'est pas la peine. Ouais, ça se voit. Mais là, peut-être PS5, on peut rêver. Hein, de toute façon, PS5, les Flex sont sortis sur les consoles aussi. Donc, au niveau de la puissance, PS5, oui, c'est possible. D'accord. Et, ouais. Et Valve, ils ont de toute façon annoncé depuis un paquet de temps qu'ils avaient 3 projets VR en cours. Il y avait beaucoup de rumeurs. Et donc, du coup, bah, voilà, forcément, avec ce premier... cette première annonce, voilà, on est sûr qu'on aura au moins un Half-Life, à voir aussi la durée de vie du jeu, savoir si c'est une expérience qui va durer 2 heures ou si c'est un jeu qui va durer 15 ou 20 heures, ce que j'espère. Mais en tout cas, il y en a encore 2 qui sont dans les tuyaux. Alors moi, j'espère franchement un Portal 3 ou un Portal VR. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi, celui-là, c'est l'espèce de jeu d'énigme avec robot, les portails là. De téléportation. Mm-hmm. Qui se prête vraiment en VR justement et donc moi, ça pourrait je l'ai pas Wars. Fait non plus je connais mais oui ça se prêterait très bien la VR ouais. Ça pour te retourner la tête et ouais ce que j'ai dit le motion sickness aussi quand tu tombes dans les portails il va falloir le gérer celui-là je pense mais en tout cas moi je suis curieux déjà de voir ce premier là et puis de voir ce qu'ils vont nous annoncer donc dans pour la VR, vous c'est un choix fort. C'est une orientation forte de la part de Valve. Ils sortent leur Valve Index en plus, donc le nouveau casque. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, le moment est bien choisi aussi. Il faut qu'ils le vendent, leur par truc. Par rapport à la sortie du casque. Ouais, c'est une grosse licence associée à un nouveau casque, voilà, ça va faire vendre. Mm-hmm. Ouais. C'est comme une nouvelle console qui sort avec des gros jeux, là c'est pareil. C'est ça. D'une part, ils sortent leur casque, et puis d'autre part, même si le casque se plante, derrière, ils vont avoir une expérience en VR. Ouais, parce qu'il n'est pas donné, leur casque. Hein. Non, il y a 1000 balles quand même. Ouais, c'est ça. Ça calme. C'est ça, mais il se vend bien apparemment. Mmh. Déjà. Bah, il est bien. Hein. Ah, il peut. Mais c'est vrai qu'il est un peu cher. Moi, je dirais que au-delà de vouloir faire vendre leur casque, parce qu'au final, ils ouvrent quand même le jeu donc aux possesseurs de casques WMR et Oculus. Moi, je pense qu'ils sont en train de répondre tout simplement à Oculus qui sort leurs exclus. Et là, on est dans une guerre de catalogue qui est en train de se déclarer, qui est larvée avec, avec Epic et compagnie. Quoi. Donc, moi, je pense que le combat, il est là, surtout. Et c'est là où tu te dis qu'il va vite falloir que Microsoft y s'y mette, parce que nous, la guerre de catalogue, elle n'y est pas trop, quand même. Microsoft, il faut déjà qu'ils s'y mettent aussi sur PC, hein, parce que leur Windows Store, part une ou deux exclus, on va dire, il y a Forza... Il y a les Gears, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. FlySim, peut-être, je crois, qui va sortir dessus. Non, mais je parlais de la VR. Ouais, mais déjà, en fait, sur les jeux en plat, ils n'y a pas de locomotive, en fait. Ils n'arrivent pas à concrétiser, justement, leur plateforme déjà sur PC. Alors, en VR, ils sont encore plus à la ramasse. Hein. Ouais, ouais, surtout qu'ils y croient pas trop. On verra sur la next gen. On verra, enfin, ils la ramassent depuis le début. Ouais. Ils y travaillent un peu apparemment. Ils sont revenus sur leurs propos et ils sont sur un projet de mix. Un mix reality, ouais, ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Ouais, mais bon, ça avance. Ouais, ils sont un peu comme une voile. Ça a l'air d'avancer. Bah, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont laisser les petits studios se casser les dents et puis ils vont les racheter pas cher. Bah, c'est ce qu'ils font depuis le début. Ouais, mais ça marche pas forcément, quoi. Bah si, parce que quand tu vois Sony qui a racheté Insomniac derrière, ils savent faire de la VR. Oui, Microsoft ont fait la même chose, ils ont acheté, je sais plus comment il s'appelle, ce qu'on fait. Oui, mais si on prend Insomniac, il y a quand même un... Non, c'est pas ce match. Il y a une histoire entre Sony et le studio quand même. Tout à fait, ouais. Alors qu'un studio indépendant qui a jamais travaillé, par exemple, on va dire avec Microsoft, hein, pour les citer, c'est pas dit que parce que tu vas les racheter, la mayonnaise va prendre. Enfin, il y a pas cette habitude de travailler ensemble. C'est l'habitude, ils en ont rien à carrer en fait, parce que ils vont les laisser autonomes, ils vont leur demander un jeu pour. Mais disons, quand tu as le portefeuille de Microsoft, là pour l'instant, ils sont vraiment axés sur Stadia et sur le cloud. Et puis surtout sur la sortie de leur prochaine console. Donc là, ils ont dit la VR, ils ont dit allez, on verra ça plus tard. Mais si la VR venait à partir, par exemple, chez Sony, qui sortent le PSVR 2, et que cette fois, ce soit plus 5 millions, mais que ce soit 40 millions de vendus, là, Microsoft, ils vont se dire mais merde, on n'a pas de studio qui font de la VR, grave, on en achète 4. Justement, pour contrecarrer ça, est-ce que tu les verrais pas rendre la Scarlett compatible WMR? C'est ce que je dis depuis le début. Voilà, c'est ce qu'on espère. Hein. Ouais. C'est ce qu'on espère. Et avec le cloud, leur service, ils vont récupérer tous les gros jeux. C'est ce qu'il faudrait. Si demain, moi je pensais qu'au départ, en 2016, je pensais qu'ils allaient partir là-dessus. Hein. Enfin, j'étais sûr qu'ils allaient faire ça. Là, ils ouvrent la Xbox à tous les Windows Mixed Reality. Déjà, ils renforcent leur partenariat, parce que là, ils les ont un peu laissé crever, hein, les partenaires. Hein. Parce que les différentes marques, elles ont mis tous les frais dans la fabrication de leurs différents casques. Mais derrière, ils sont même plus vendus sur le store Microsoft. Pour trouver un casque, c'est la galère. Il y a zéro com. Et là, ce sera un signal fort qui indiquerait que non seulement il y a un gros qui rentre dans la VR, donc il y aurait déjà Facebook, il y aurait Microsoft. Sony, c'est pas un gros, c'est un petit. Mais derrière, déjà, s'il y a Microsoft et Facebook, derrière, il y aurait peut-être Amazon qui voudrait se réveiller aussi, et Google également. Ouais. Donc, ça serait vraiment super bien que Microsoft se lance dans la VR. Et après, ils ont juste à ouvrir leur console à différents casques. Le type, il achète sa console, puis après, il choisit son casque. Et je trouve ça super. Et côté Sony, c'est pas terrible pour Sony, hein, s'ils font ça, parce qu'au niveau VR, ça va être une sacrée concurrence. Parce que là, non seulement sur une console, tu auras le choix entre 4 ou 5 casques. Et tu n'auras pas plus un casque fermé comme le PSVR qu'on a, nous. Mais par contre, pour la VR, ce serait fabuleux. Ils feront comme les autres. S'ils sont obligés de s'ouvrir pour pas mourir, ils le feront. Hein. Mais après, tu sais, ça sera des contrats d'exclusivité. Moi, je pense que c'est très français, mais... L'argent ne fait pas tout. Oh, c'est beau. Ah non, mais j'en suis persuadé, parce que c'est pas... D'ailleurs, on le voit sur tous les studios qu'ils ont rachetés ces derniers temps, il n'y a pas grand-chose qui en est sorti, hein, au niveau catalogue. Donc, c'est pas parce que tu achètes des studios que ça produira automatiquement, et du bon, surtout. Ça produira dans 4 ans. Ça produira pas maintenant. Ça produira pas dans 4 ans. Pour dans 4 ans. Oui, voilà. Là, je vais même au-delà de la VR. Hein. Je suis pas d'accord avec vous, les gars, parce que les annonces de rachat, ils les ont faites à l'E3, pas celui de cette année, mais celui de l'année dernière. Neuves, hein. Non. Déjà, ils ont balancé, ils ont fait le XO19 il y a une semaine. Ils ont balancé pas mal d'exclus, hein, encore. Sans doute. T'as des grosses licences qui vont arriver. Là, de toute façon. Tous les studios, ils l'ont pas dit parce qu'ils voulaient pas se griller. Enfin, ils savaient déjà que cette génération, ils étaient morts face à PlayStation. Mais là, aujourd'hui, tout ce qu'ils ont racheté, pour moi, c'est pour préparer la next gen. Tout ce qui est current gen, c'est fini. C'est sûr. C'est out. Ils vivent avec ce qu'ils ont. Forza, ils vont ressortir à nouveau. Enfin, ils vivent sur leurs acquis et ils vont essayer de minimiser la casse d'ici la fin. Mais ils misent tout pour la prochaine. C'est sûr. Ah, c'est certain, oui, c'est sûr. Ils ont pas intérêt à se louper parce que. Moi, je trouve que quand tu perds la main pendant longtemps, tu la reprends pas si facilement. Quoi. Ouais, Sony l'a fait. Bah, Sega l'a pas fait. Sega est mort à cause de ça d'ailleurs. Ouais, mais Sega, ils ont jamais vraiment eu la main. Sega, ils se sont. Ouais, ils se sont. Ils sont jamais passés devant Nintendo, hein. Ils sont toujours restés deuxième. Hein. Mmh. C'est juste qu'ils ont, fait le mauvais choix à un moment, ils ont dégringolé et puis ils ont disparu de la partie hardware. Mais après, ils ont su se renouveler aussi parce qu'aujourd'hui, ils sont éditeurs de jeux et plus. Constructeurs. Voilà, constructeurs, merci. Ouais. Ils ont pas su la vendre leur Dreamcast. Non, bah. Arrête, j'en ai plus. En même temps, de Dreamcast. En même temps, moi toutes ces histoires, parce que c'est vrai qu'on peut être Sony peut se casser la figure et perdre complètement la place sur, l'année prochaine à la sortie de la PS5, c'est possible. Oui, oui, ça c'est. Il y en a beaucoup qui disent que Xbox a perdu la guerre face à la PS4 à cause de son catalogue. Mais moi, je pense que ils ont perdu la guerre le jour de l'E3 en 2013 quand ils l'ont annoncé. Avec la connexion internet, là, et Sony le Kinect derrière, permanent. Voilà, là, et le Kinect imposé à 50 balles de plus. Donc ils avaient une console qui était 50 balles de plus, qui était moins puissante qu'une PS4. 100 balles de plus, il me semble. 100 balles, ouais. Elle était à 500. 50, il me semble que c'était 100 balles de 100, plus. 100, 100, elle était à 500. Et en plus, on t'annonce que le gamin qui a des parents divorcés, il va devoir acheter deux fois les jeux parce que son jeu ne marchera pas sur la console qu'il a chez sa maman. Donc les types, eh ben, ils aiment bien se flageller, ils aiment bien qu'ils te balancent ça à l'E3, tranquille. Hein. Et puis derrière, ils se disent, deux semaines après, ils reviennent sur leur décision en se disant, merde, on a fait une connerie, Sony se fout de notre gueule parce que. Donc après, non, c'était une blague, mais n'empêche que vous avez voulu enculer tout le monde. Donc forcément, là. Il y a du vrai, t'as sans doute raison, Laurent, mais moi, j'irais même au-delà de tout ça. Pourtant, j'ai eu la Xbox, la première du nom, j'aimais beaucoup la marque et compagnie. Mais je pense que c'est en haut lieu où l'envie, elle n'est pas là, quoi. Bah, et ça pèse, à la tête, il n'y a pas une émulation qui est faite, ça te plombe toujours, tout le temps. Ah ben, je dis toujours que ce qui plombe dans n'importe quelle entreprise, c'est les financiers. Les actionnaires qui veulent des ronds et qui vont pas réfléchir à comment tu vois j'ai l'impression que Stadia prend cette direction, qu'ils ont pas réfléchi une seconde à se dire bon comment on va présenter le truc parce que il y en a plein qui ont pas internet alors au lieu de dire ça ben ils balancent des gros trucs marketing. Ouais, vous aurez 10 teraflops 4K 60 FPS et tout. Et puis, ben, taisez-vous. Non, il vaut mieux rester cool, dire on est en train de travailler sur un truc de cloud gaming. Ce sera pas accessible au début pour tout le monde. Essayez de rester sincère et déjà t'es mieux vu quoi. Ouais. Là, les joueurs, les réactions qu'il y a en ce moment, c'est impressionnant parce qu'ils se font démonter. Justement, Laurent. Enfin, je vais revenir sur Xbox. Ouais. Mais là, ils sont en train de avec le Game Pass et le xCloud, ils sont en train quand même de taper super fort. Hein. Bah, non, le Game Pass à 10 balles par mois avec toutes les exclus Microsoft qui sont Day One disponibles. Tout à fait, ouais. Mais tu sais, Stadia, je suis contre sans être contre, parce que le jour où ça marchera, moi je dis toujours, quand je suis passé par exemple en photo numérique, l'argentique était largement dépassé. Et il y a eu une période de 5 ou 6 ans où tous les appareils photo numériques, c'était de la merde par rapport à l'argentique. Et ben là, c'est pareil. Stadia, ça vient de débouler. Là, aujourd'hui, pour moi, une PS5 ou une Scarlett sera bien plus performante que Stadia. Sauf si, je sais pas, il y en a qui sont connectés en direct sur un serveur et qui ont un débit de malade. Mais alors... qu'on me dise c'est l'avenir, on en est tous conscients que c'est l'avenir, c'est pas là le sauf qu'aujourd'hui le parc français et le débit internet dans les foyers, parce qu'il n'y a pas que ceux qui habitent autour de la tour Eiffel qui vont pouvoir jouer à Stadia quoi. C'est là on parle d'un marché à grande échelle, que ce soit Xbox ou Stadia, pour l'instant tant qu'on n'aura pas internet, c'est même pas la peine d'y penser. La 5G elle arrive. Elle va mettre du temps. Comme je te disais, la 5G, c'est pas comme la 4G. C'est pas une mise à jour de la 4G. Et la 5G, ça va demander des installations, donc elle va pas arriver si. Même la 4G aujourd'hui pour jouer à Stadia, ça suffit. Hein. Ah non. Pour jouer 4G, à Stadia. Ah si. Non, bah non. Si. C'est. Non, bah, non. Moi, je l'ai chez moi. Je suis à 45 mégas. Il t'en faut 30 pour jouer en 4K à 60 images secondes. Non, mais ouais, c'est ce qu'ils vendent, c'est le marketing, mais c'est pas ça. Quand tu vois qu'il y en a fibrés qui disent qu'il y a de la latence, tu dis... Mais ça veut dire que tu vas être au moins, avec 40 mégas, tu vas être au moins capable de jouer en 1080p. Ah mais non. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Je sais pas. Non, je m'avance. Excusez-moi, les gars. Je sais pas. J'y ai pas joué, mais. Alors. C'est là où je suis inquiet. C'est de ça que je voulais parler tout à l'heure quand je parle de niveau de la com qui ferait bien de faire attention à ce qu'ils balancent, parce que du 1080p, tu en auras peut-être, certes. On va dire que ta télévision va réussir avec 40 mégas à t'afficher une image. Sauf que quand tu vas appuyer sur le bouton pour que le type y saute, tu vas attendre 2-3 secondes et tu auras perdu ta partie parce que tu auras trop de latence. Ce qui serait intéressant, alors je ne sais pas si vous avez des contacts, mais c'est de contacter Shadow, la boîte française, parce que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'ils en font. Sauf que ce n'est pas qu'une console de jeu, c'est carrément des PC. Déportés, c'est-à-dire c'est des unités de travail déportées. Ils ne font que ça, ils travaillent que par ça, donc ça serait quand même intéressant. Je les avais contactés, Shadow, justement, pour leur demander ce qu'ils pensaient de la réalité virtuelle par le cloud, en fait, enfin en cloud gaming. Ouais. Qui m'avait dit que c'était. Qui bossaient dessus et qu'en gros, voilà, ils étaient à fond dessus, ils bossaient. Il y avait leur partie recherche et développement en fait qui était vraiment sur le coup, et que pour le moment, en tout cas à l'heure où je leur ai demandé ça, pour le moment c'était pas envisageable, mais en tout cas qui faisait tout justement pour que ça fonctionne. Et non, mais sans parler de VR en particulier, mais juste de Stadia, justement, de leur demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à la technologie, est-ce que c'est viable, etc. Tu vois. Ah bah ils vont pas dire que c'est pas viable, hein, Shadow. Ils vont pas dire façon. Que c'est pas viable. Non, mais par rapport à ce que est-ce que ce que Google annonce par rapport à ce que eux vivent de leur expérience, tu veux, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est cohérent, tu D'après les, en fait ça va être les retours utilisateurs surtout qui vont vraiment te donner la température un petit peu de cette technologie là, voir si ça fonctionne. Chez les gens de la ville avec des grosses connexions et non mais c'est vrai qui vont te dire que c'est formidable, que ça bug pas, qu'il y a pas de problème, et toi pauvre compagnon, c'est les gens qui ont signé un chèque avec Google qui vont dire que c'est formidable, qui ont été achetés voilà, mais ça y en a, ouais, faut le dire, non, faut par pas contre avoir peur, il y a une réalité, non, et ça, tout le monde peut la vérifier. Tu vas sur internet et tu regardes le débit moyen en France, c'est 9 mégas le débit moyen. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 100, 200, 250 mégas, et puis il y en a d'autres qui n'ont même pas 3 mégas. Maintenant, sur ce pourcentage-là, il y a peut-être 50% de la population qui est potentiellement éligible à Stadia. Ça, il faut vérifier les trucs plus en détail. Seulement derrière, sur ces personnes qui sont éligibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir de latence. Donc après, maintenant, en tant qu'acheteur, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et c'est là où tu as le choix, en payant un abonnement mensuel pour Stadia, qui au final, au bout de 4 ans, va te coûter le prix d'une console. Tu n'es pas sûr, parce qu'il y a un autre truc qu'on ne parle pas suffisamment, c'est que tu as beau avoir, mettons, 40 mégas en 4G dans ta maison, t'as deux adolescents à la maison, plus ta femme qui regarde YouTube, tes deux adolescents ils sont sur YouTube ou ils regardent des films sur Netflix, ouais. Tu peux pas jouer. Parce qu'ils vont te bouffer toute ta bande passante et toi tu pourras pas non plus avancer. Donc en fait tu vas pouvoir jouer à Stadia. Je les laisse sur ma ligne fixe. Oui, mais tu vas pouvoir jouer à Stadia que quand tout le monde sera couché, parce que sur des petits débits, c'est déjà 40 mégas, tu sais très bien que tu vas passer en 720p au moindre rien. Puis en plus, un débit internet, c'est pas linéaire, ça fait des vagues. Ouais, donc quand tu vas être dans le creux de la vague, c'est à ce moment-là tu dois tuer un zombie et que le coup part pas, bah t'es mort dans ton jeu. Donc les types, ils vont faire quoi? Ils vont se dire, alors attends, j'ai un abonnement à payer. Ah, c'est super, il est à combien l'abonnement? 15 euros, 20 euros? Je crois que c'est 20. Ouais. 20 balles. Sur une année, tu as déjà claqué 240 euros. En 2 ans, tu t'achètes une console neuve qui va te garantir de la 4K, parce que là, le débit de 4K, et puis là, Spanx, qui a 90 mégas, il dit que sur Netflix, il n'arrive pas à choper de la 4K. Donc, tu vas avoir quelque chose qui va faire la vague tout le temps. Derrière, le calcul, moi, il est vite fait. Je préfère avoir une console à la maison et être sûr que ça fonctionne plutôt que d'avoir un truc qui est bien à la mode. Je vais pouvoir faire le kéké et dire, ouais, moi, je suis sur Stadia, c'est trop cool. Mais au final, je sais que par rapport au... Si on compare les produits, et c'est là où Microsoft sont très forts, c'est qu'ils sont sur les deux panneaux. Ils savent qu'ils savent qu'il y a un risque avec avec le cloud. Ils savent que c'est l'avenir, et ça, on en est tous conscients. Hein. Qu'on soit pour ou pour contre, on sait que ça finira comme ça. Au final, il y aura plus de PC, il y aura plus de console, il y aura plus de téléphone. On jouera tous sur des écrans. Mais le souci, c'est que cette phase de transition, c'est là où ils sont intelligents, c'est qu'ils ont fait d'un côté la partie cloud en disant on va commencer à, parce que si Stadia se vautre, eh ben au moins on y sera aussi. Et puis en parallèle, on va proposer une machine, comme ça on chope tout le monde. Et cette période de transition, moi pour moi Stadia, tant que l'État n'aura pas fait quelque chose pour des connexions potable, non mais, c'est même pas la peine d'y penser. Alors on va continuer de parler de Stadia. Donc dans la presse française, là on est en train de voir qu'il y a eu Le Figaro qui en a parlé, Le Monde qui en a parlé également en descendant le produit, hein, tout simplement que c'est un bide. Après on a des youtubeurs influenceurs influencés qui eux nous vantent du produit de qualité parce qu'il a été testé, on va dire, dans l'antre. Donc effectivement Stadia ça fonctionne quand tout va bien, il n'y a pas de souci, on dira pas le contraire. Donc ça, c'est au niveau français par rapport à la connexion moyenne française. À l'étranger, on se rend compte également que Forbes l'a descendu, Stadia, donc on se rend compte que même dans des pays où la connexion moyenne est bien supérieure à celle de la France, c'est aussi un flop pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Parce que là, on était un peu dans notre microcosme franco-français, mais on se rend compte que ben voilà, au niveau international, c'est un flop. Mais qu'est-ce qui fait le flop? Il n'y a pas de jeu. Il y a 10 jeux. Mais pas que, c'est on se retrouve. Ils ont annoncé des nouveaux. C'est surtout la connexion qui fait défaut. Je pense que le produit, comme dit Laurent, il est d'avenir, hein, y a aucun problème. Mais il se heurte à la connexion. C'est quoi les ingénieurs? Ils ont fait quoi? Ils sont dans leur structure tour d'ivoire doré là-bas aux States, c'est où tout fonctionne bien et parfaitement avec du réseau de fou et sans extrapoler, regarder un peu plus loin quoi. Aux États-Unis, le débit moyen est inférieur à celui de la France. Le pays est beaucoup plus grand. Ouais, je pense que Google, pour le moment, en fait, est dans une stratégie en fait à long terme. Là, ils vont pas se focaliser uniquement sur. C'est pas une console, c'est pas du physique. Ils vont pas se focaliser sur un truc justement qui se vendra peut-être. Attention, Google, ils sont très novateurs sur pas mal de choses. Notamment, je vais parler de la Chrome. Ils essayent, ils abandonnent vite. Ils essayent vite, ils abandonnent vite. En fait, c'est ça. Le truc c'est de ça. Google. C'est en fait, ils sortent un produit novateur. Je prends la Chromecast. Mais le produit n'a jamais été abouti. Elle peut faire énormément. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin avec ce produit, la Chromecast. Et en fait, ils le laissent végéter. Et pour moi, Stadia, ça sera exactement la même chose. Ah, tu crois? Tu vois un avenir, toi, comme ça, de bide et de laisser crever le truc? Un bide moyen. La Chromecast, elle n'a pas crevé. Hein, mais elle n'est pas exploitée comme elle devrait l'être. Avec la Chromecast, ils ont de l'or entre les mains. Mais ils ne s'en sont pas servis. Hein. Et là, ça sera pareil avec Stadia. Ils ont de l'or entre les mains, pas à l'heure actuelle. Je pense qu'ils voient plus le truc à long terme quand même avec Stadia. J'ai l'impression. Moi aussi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas balancé toutes leurs billes et toutes leurs cartouches dès le départ. Déjà, il y a un truc qui est très contradictoire, c'est qu'ils vont faire, je crois que c'est d'ici quelques mois. Enfin, ils ont pas parlé de date, mais il va y avoir un abonnement gratuit. Ouais. Oui. Et qui n'a pas été mis dès le départ justement. Ouais, mais c'est super. Un abonnement gratuit, je dis bravo. Mais si t'as pas la connexion pour y jouer, ça te sert à quoi? À rien. Mais à ce moment-là, qu'ils sortent l'abonnement gratuit dès le départ. Quel est l'intérêt de faire payer des gens 20 balles parce que tu vas vouloir jouer en 4K? Là, ils sont en bêta-test. Ils sont en stress-test. Attention, il y a deux abonnements, et ça a toujours été dit comme ça dès le départ, hein, qu'il y aura un abonnement gratuit et un abonnement payant. L'abonnement payant, ça sera un peu le PlayStation Plus, où c'est que tu auras quelques jeux du catalogue qui seront gratuits, effectivement, par ton abonnement. Et forcément, les grosses licences qui sortiront, tu devras les payer. Et l'abonnement gratuit, il te servira un petit peu comme si tu t'abonnais à iTunes pour payer, en fait. Pour pouvoir acheter quelque chose sur iTunes, tu auras ton abonnement gratuit, mais tu seras obligé d'acheter tes jeux. Ouais, c'est un appel du pied, quoi. C'est ça. Donc après, ça peut être intéressant dans l'idée où par quelqu'un qui se demande s'il doit acheter une console qui va quand même coûter 500 balles, tu te dis, je prends un abonnement gratuit chez Stadia, il faut quand même acheter la manette, quand même acheter le matériel. C'est moins cher qu'une console, mais il faut acheter 2-3 petites bricoles quand même pour 120 balles, je crois. Moi, 130 balles, ce que j'ai dit. Ouais. Pour être sûr que ce soit pérenne en plus. Hein. Et derrière, c'est ça surtout qui bloque les gens, parce que moi, j'aurais été de ceux qui auraient peut-être pris un truc pour le tester. Je sais très bien que ça passera pas chez moi. Mais par contre, quand j'entends des gens qui ont 90 mégas et qui ont déjà des doutes sur la 4K, alors qu'une console physique peut te l'amener, bah, tu te poses pas la question. Tu te dis, on verra dans 10 ans. On verra plus tard. Après, tu parlais de la majorité des foyers français qui n'étaient pas très, très équipés en Internet. En débit. Ouais, enfin, débit. Pardon, en débit important, excuse-moi, je suis mal exprimé. Je pense que tous les foyers ne sont pas non plus équipés en télé 4K. Hein. Ah, mais oui, complètement. Oh, c'est tout sûr. À fait. Donc, est-ce que c'est vraiment très important de jouer là-dessus, de dire ah putain, la 4K, ça va pas être possible, vu le débit, machin, mais en fait, la majorité des gens, je pense, ils vont jouer en 1080, quoi. Et ils vont très bien s'en contenter. Mmh. Ouais, mais t'as déjà du lag. Quand je joue à des parties coop avec mes potes, là, suivant la connexion internet qu'on a, ils ont une seconde d'avance sur moi, quoi. Non, mais c'est vrai, T'es sûr ? Ah ouais, j'en suis certain. Ça se trouve, c'est qu'ils sont sympas. Ils en ont peut-être plus, alors. Mais non, mais. C'est peut-être pas la connexion qui va pas, tu sais. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas que la connexion. Mais enfin, bon, alors, on va mettre de côté le brain et on va se concentrer sur la connexion. Mais non, mais. Après. Et là, on joue pas sur de la 4K. Hein. Non, c'est. Je suis avec la PS4. Et après, je pense que pour lancer un produit pareil. Il y a l'effet de cours de récré, enfin pas l'effet cours de récré, mais l'effet mon pote a ça. Donc déjà, il y a déjà un parc de plus de 103 millions de PlayStation 4 dans le monde. Sony, de toute façon, ce qu'ils vont faire, ils vont tout faire pour que les gens ils enchaînent sur la PS5. Ils l'ont dit, c'est clair, on le sait. Ouais. Et il y a combien de joueurs, si tu rajoutes les 40 millions de Xbox One plus les Switch, tu te retrouves à aller à une fourchette de 200 millions de joueurs sur console. Les joueurs PC, ouais, pourquoi pas, il y a eux aussi qui ça pourrait intéresser. Mais au final, les gens qui ont une PS4, qui ont déjà des jeux PS4, et on leur propose la rétrocompatibilité sur la PS5, ils vont prendre leur PS5 et ils vont s'inscrire sur Stadia. Ouais. Stadia, ils vont quand même payer les jeux. Ils auront certainement les mêmes sur PlayStation, mis à part les exclus. Disons que la question, on n'en est pas à un point en ce moment où on va se dire, demain ils te disent Stadia, ça marche de partout dans tous les foyers, tu as 30 teraflops de puissance. T'as de la 4K 120 FPS stable, quelque chose qui soit supérieur à l'offre machine, la question se pose plus. Tout le monde va passer à ça. Oui, oui. Ça viendra, mais on n'y est pas, on n'y est pas du tout. Je voulais dire un autre truc, pardon, je te coupe, mais Stadia, ça a aussi un autre avantage, c'est que tu peux jouer sur n'importe quel écran, que ce soit ta télé, ton téléphone, etc. Sauf que PlayStation, ils le font maintenant aussi. C'est vrai. Donc même ça c'est plus une exclu en fait. Même ça c'est plus un truc extraordinaire. Alors oui, et puis ça pour moi c'est ça peut être bien, mais déjà c'est bien quand tu pars en vacances ou quand tu vas chez des amis. Ça c'est du pipeau, c'est du pipeau marketing. Descends rien que sur la Côte d'Azur en voiture sur l'autoroute, il y a des moments tu es en edge tout le long avec ton téléphone. Et ça, je fais la navette assez souvent pour le savoir. Donc, je vois bien mon petit, je lui achète une console portable, je lui dis, tiens, t'as Stadia, on descend pendant 3 heures ou 4 heures de route. Tu me foutras la paix. Tu me foutras la paix, mais le gamin, il va gueuler tout le long. Parce qu'il va dire, mais putain, papa, ça passe pas. Oh, on est sur une aire d'autoroute, là, j'ai la 4G, tu bouges plus. Alors, je parlais des vacances, mais je parlais pas du trajet. Moi, je parlais quand tu partais hors de chez toi. Ah, mais même en vacances, tu descends, par exemple, à la Grande Motte dans le sud, si t'arrives à choper la 3G. Non, mais si tu vas dans des endroits où il n'y a pas Internet aussi, la Grande Motte, de meilleure Il y a 130 000 habitants par an qui viennent là-bas. C'est quand même une station balnéaire. C'est quand même. Oui, c'est dans Languedoc. Hein, c'est pas dans, mais je veux dire, t'es quand même dans des zones où c'est que t'as pas Internet. Et ça, je connais bien parce que je connais très bien le coin de Montpellier. Donc, il n'y a pas Internet. Donc là, Stadia, déjà, si tu chopes la 4G et que tu arrives à envoyer un SMS, mais t'es le roi du monde. Tu vas au McDo pour envoyer un SMS. À la Grande Motte, hein, il n'y a pas Internet. Parce que dis pas qu'à Montpellier, il n'y a pas Internet. Tu vas te faire désinguer. Montpellier, c'est une grande ville. Mais les gens de Montpellier le savent. Les gens de Montpellier savent que dès qu'ils sortent de Montpellier, c'est la cata. Quoi. Ouais. Donc, Stadia, c'est bien, c'est joli. Ah, chouette. Et puis après, il y a un autre souci, c'est que tu attends un jeu comme The Last of Us 2, que j'attends énormément. je me vois bien jouer sur mon téléphone portable à The Last of Us, mais je vais jamais y jouer. Je vais attendre d'être devant mon écran géant pour y jouer, installé dans mon canapé. Mais parce que nous on veut du confort, on est vieux. Oublie pas, aujourd'hui le marché du game qui rapporte le plus d'argent, c'est le mobile. Oui, bah tout. Oui. Donc les gens, ils ont l'habitude aussi. Enfin, les nouveaux joueurs ont l'habitude aussi de jouer sur leur téléphone. Fortnite, ça se joue surtout sur portable maintenant, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Après, c'est plus une habitude de jeu. Moi, un jeu de qualité, c'est comme un bon disque. Je veux avoir la boîte, je veux avoir le. Ouais, mais t'es un vieux con, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai. En plus, tout à l'heure, quand on disait que le monde change autour de nous et c'est un peu à nous de nous adapter, c'est là où je rejoins Stadia, où je rejoins le Xcloud, je rejoins tous ces trucs-là parce que je sais très bien qu'on y va. Tout ce que je dis, c'est que je critique plus le discours marketing pour essayer de te vendre un truc qui ne marchera pas chez toi. Ah bah là oui, là, par contre, ah oui, c'est non, vraiment discutable. Je ne critique pas par contre Stadia ou Xcloud parce que j'y crois. Faudrait être bête pour ne pas y croire. Je dis juste qu'on est dans une phase où le cloud est encore inférieur à la technologie matérielle et qu'il y a un moment où ça va passer par-dessus. Et à ce moment-là, ils vont toucher le grand public. Mais aussi, le problème, c'est qu'au niveau marketing, ils ne sont peut-être pas suffisamment agressifs. Enfin, à part raconter du flan, on va dire, au niveau de la technique chez Google, au niveau tarifaire, ils ne sont pas suffisamment agressifs. On voit déjà comment Epic Games Store, ils ont chi pour s'imposer, alors qu'ils sont, voilà, ils offrent des jeux tout le temps. Et que, voilà, eux, ils sont vraiment agressifs. Et je pense qu'à terme, ça va payer. Pour eux. Là, Google, déjà au niveau de la tarification, personne ne comprend rien. C'est super flou, en fait. Techniquement, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui pourra forcément se permettre d'avoir la connexion pour l'utiliser. Je rappelle, je crois que c'est Phil Harrison qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est marketing au niveau de Google Stadia. L'ancien de chez Sony et de chez Microsoft. Un ancien de chez Microsoft quand il a annoncé la Xbox One, voilà, et la PS3 il me semble aussi. Hein. C'est ça. En gros le mec c'est un chat noir hein, quand même. C'est bien ce que j'allais dire, il a fait toutes les bonnes consoles. C'est un chat noir et voilà, et j'espère, je m'en fous à la limite, hein, mais que Google va pas réitérer les erreurs du passé et puis se planter en beauté, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire, se planter en beauté au niveau de la tarification et de la communication au début à la sortie de leur produit et se planter comme Xbox One l'a fait, comme la PS3. Je crois qu'il faut faire attention à la presse parce qu'ils ont souvent tendance, la VR on a subi les conséquences de couper des têtes tout de suite, donc là. Allez hop, on va casser du Stadia. Par contre, pour moi c'est ils placent leur pion sur un échiquier. Et ces pions, eh ben, ils feront peut-être des bébés dans 3 ou 4 ans. D'où la vue à long terme, je pense qu'ils ont en tout cas. C'est pas possible qu'ils se plantent comme ça à ce point-là. Google, c'est pas des débiles. Hein. Ils savent faire, ils savent se vendre. On en reparlera, mais moi je pense le contraire. Ils peuvent se vautrer. Hein. Ça peut être un bide total parce que c'est là où on voit quand même qu'on voit les réactions sur Internet, on voit les gens comment ils ont réagi face à la VR, on voit les gens comment ils réagissent face à Stadia et c'est un peu le même modèle en fait. Et on sait que s'il y a la masse qui dit que Stadia, c'est que dans les cours de récré qui commencent à dire Stadia c'est de la merde et que ça en devient risible, il va falloir beaucoup de temps avant de se réveiller de ce coup-là. Et c'est peut-être là où ils vont dire on va marquer une pause et on reviendra plus tard. La VR, on en a assez, on va dire, chié avec ça parce qu'elle s'est fait défoncer quand c'est sorti, hein, faut pas mentir. Oui. Et puis maintenant, eh ben, quand tu vois les commentaires sur plein de sujets, dès qu'il y a le mot VR dedans, il y en a encore qui chient sur la VR sans jamais avoir mis un casque de leur vie. Ouais, ce que j'allais dire, elle s'est fait démonter par les pros hein, parce que tous ceux qui l'ont essayé, ils ont tous été unanimes et d'accord pour dire que c'était quand même fantastique. Hein. Ah oui. Ben, c'est là où c'est très drôle d'ailleurs, quand tu vas par exemple sur un casque. Tu vas voir hein, les avis du casque sur Amazon, sur des trucs comme ça. Il y a quand même des fois 3000 avis sur certains trucs. Et c'est il y a les casques VR, ils arrivent à taper des 4 étoiles sur 5. Donc les gens qui en ont acheté un, ils sont super contents. Bah oui. Et par alors c'est cher. Alors vu que c'est cher, on va dire, je peux pas me le payer, donc je vais le fracasser. Et puis la presse généraliste qui n'y connaît rien, on leur a peut-être fait tester. C'est sûr que tu mets une journaliste qui vient d'arriver, tu la mets dans Escombat 7, puis elle va vomir son 4 heures. Et après elle va te pondre un article de malade. Si elle a essayé Escombat 7, c'est si elle a pas essayé une expérience de merde qui dure 5 minutes. Stadia, ils ont tendu le bâton pour se faire battre, parce que la première conférence, quand ils ont annoncé Stadia, ça marchait déjà pas sur scène. Ils étaient aux États-Unis. Ils étaient aux États-Unis et ils jouaient à Assassin's Creed et ils étaient sur le jeu et ils s'amusaient de passer d'un téléviseur, d'un écran d'ordi à un iPad, à un téléphone. Et puis, sauf que quand il appuyait, on voyait bien que ça sautait pas. Que les mecs, ils se demandaient si c'était lui qui jouait pour de vrai ou pas. En fait. Là déjà, on revient à l'E3 de 2013. Ça, c'est sans appel. Ça a fait le tour du monde. Tout le monde l'a repris, tout le monde. Voilà, là, ils se sont fracassés déjà là-dessus. Donc maintenant, tu vas pas me dire que 2-3 jours avant, ils pouvaient pas tester les trucs et puis voir que ça fonctionne, quoi. C'est bien joli derrière, ils te mettent un panneau, ils te disent 4K, 60 FPS, 10 teraflops, super. Mais quand tu vois jouer le mec, tu dis oh, t'es aux États-Unis, t'es chez Stadia, t'es chez toi, et t'es même pas foutu de faire tourner ton jeu sur une conférence internationale. Voilà. Mais Google, ils sont aussi précurseurs dans la VR, non? Ils ont vite abandonné le projet. Je pense pas qu'ils aient abandonné la VR, Google. À mon avis, il y a autre chose qui se trame. Oh bah, le cardboard, il est mort. Hein. Ah oui, complètement. Ouais, cardboard. Il a fait son temps, le cardboard. Est-ce qu'il est né? Il a fait tomber de l'eau en même temps, il coûte pas cher. Mais je crois qu'ils ont revendu le brevet à Nintendo, non? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est possible. À Lotus, pour en faire des rouleaux, peut-être. Ouais, peut-être. Non, ils sont biodégradables. Non, mais moi, je pense que ça sera pas un bide, ça sera pas un flop, ça va végéter, ça sera mi-figue, mi-raisin. Mais ça passera aux oubliettes. Ah, t'es bien pessimiste sur ce truc-là, je pense. Bah hein. Oui. Moi, j'y crois pas. Franchement, Google Stadia, contrairement à ce que dit Laurent, moi, le futur tout streaming, me fait peur. Me plaît pas au niveau des retombées écologiques. Et, ça, c'est un problème. Et je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Voilà, c'est pas ma philosophie. C'est pas ma façon de consommer du jeu vidéo. Voilà, je suis pas abonné à Netflix ou tout ça, je suis vraiment le vieux con chez les vieux cons, mais je pense par contre que Google va pas se planter sur ce coup là que pour le moment ce soi-disant flop qui est relayé par les médias, c'est juste pour Google, en fait ils sont pas cons, c'est juste une bêta test avec certaines personnes, c'est pour ça qu'ils ont pas mis directement l'abonnement gratos. C'est un test de leur serveur, c'est un test bêta test. Alors c'est d'abord la première vague, c'est des pigeons, donc ils vont banquer. Enfin, mais je prends un autre exemple. Alors j'ai pris en exemple la Chromecast, les Google Glass, on en parle encore? Apple va en sortir. Ah oui, non mais Apple, mais Google Glass, on en parle encore? Ah bah il fallait bien des gens pour lancer le truc. Mais ils l'ont lancé, ils avaient un super produit qui serait dans l'actualité plein pot, ils l'ont mis de côté. Ouais, mais est-ce que c'était pas trop tôt? Est-ce que c'était le monde était prêt trop tôt, à récupérer mais que ça soit trop tôt ou pas trop tôt, avec ma petite boule de cristal, de ce que je vois de Google, et quand c'est trop tôt, ils vont pas plus loin. Ça prend ou ça prend pas? Oui, si ça prend pas, ouais, ils laissent tomber. Bah ils ont raison. Ça c'est leur modèle économique, mais je le transpose au fait que pour Stadia, ils vont faire pareil. Nintendo l'a fait avant avec la VR. Hein. Le Virtual Boy, il est mort, c'était trop tôt. 20 ans après, la VR, elle ressort. Ouais, c'est vrai. Mais ils disent que elle est ressortie, mais pas par Nintendo. Alors, bah, ce qui veut dire que le tout streaming ressortira, mais peut-être pas par Google. Voilà, c'est tout. Je dis juste que Stadia, ils vont le mettre de côté, si ça marche pas. Je sais pas si vous vous souvenez de Virtual Boy, mais tous les mecs qui mettaient leur nez dedans, ils disaient que c'était à gerber. Ah oui. Alors que les gens qui reviennent de la VR disent que c'est génial quand même. Et puis en plus, la Virtual Boy, elle est restée 4 semaines en vente dans le commerce. Ouais, mais bon, après, il faut dire que c'était. Il y avait deux couleurs dans le truc, c'était rouge et noir. Hein. Si vous en avez une chez vous, gardez-la par contre, parce que ça commence à valoir des sous. Rouge et noir. Je n'en ai pas. Jeune masse. Ouais. Quel bel organe. Ouais. Bon, prenons. Allez, Stadia, stop. Allez. Stadia, c'est bon. Alors, pour finir avec Stadia, allez. Il veut pas. Non, mais non, parce que c'est important. Mais va l'acheter ton truc là. Pas plus bozo. Et puis tu nous fais un dossier, non, c'est marrant. C'est que Stadia, j'aimerais si je pouvais, j'aimerais bien. T'as 3G là, ça va bien faire. Mais oui, alors moi Stadia, c'est même pas la Edge en plus. 1 FPS. Mais ce que dit Cyril, si jusqu'à présent Google ont toujours flingué des trucs parce qu'ils veulent tout de suite que ça rentabilise, on ne peut pas se lancer sur un truc comme Stadia ou sur xCloud si on n'a pas une vue sur 10 ans. Là pour moi c'est un premier jet, ils posent leur pion, ils vont balancer quelques jeux, ils vont faire un test mondial, ils vont voir les trucs, ils vont améliorer leur petit bébé, et puis dans 5 ans ils vont se dire ouais, elle est super bien la PS5, elle est sortie il y a 5 ans, elle est 14 teraflops, allez hop, on appuie sur un bouton, on passe tout à 20 teraflops ou 25 teraflops, à ce moment là ce sera foutu. Les consoles physiques disparaîtront, les PC disparaîtront. Et ben là je rock ma tour et je te dis ben non, parce que d'ici 5 ans les pouvoirs de l'écologie power, ils auront dit que le streaming c'était quelque chose d'ignoble pour l'écologie, donc on arrête tout. Et là, on change de politique. On est green, donc on arrête. Je suis d'accord avec toi, mais alors ça pour moi c'est du pipeau, parce que si les GAFAM ont décidé d'imposer leur truc et que ça pollue 20 fois plus, ça passera comme une lettre à la poste. Ça je peux te le promettre. Non là tu vois Laurent, je te parle, j'ai mon poing levé fermé là, je dis non. je te sens stressé, mais pour faire du fric, déjà il suffit de regarder, on a fait un dossier vers 4Player, on a fait un dossier, on s'est posé la question dessus, mais nous on va pas voir Google pour leur demander ou Microsoft pour leur demander à votre avis le cloud ça pollue, parce que forcément qu'est-ce qu'ils vont vous répondre, on est complètement green, voilà, je vais pas les c'est demander ce qu'ils répondent d'ailleurs. Je vais pas pour chaque abonnement Stadia vendu, ils plantent un arbre. Ils plantent un arbre, ouais, c'est ça. je vais pas aller demander à EDF si la pollution nucléaire ça pose un problème ou si rien du tout. C'est que de la vapeur d'eau. Exactement. ça craint rien du tout. Donc en fait, quand on se pose cette question, déjà il faut des études, et attention parce que les études souvent elles sont financées par les GAFAM. Donc il faut se méfier. Mais des études, il y en a déjà plusieurs hein, dans le monde qui sont sorties. Justement, sur ce dossier, on a fait ressortir les principales études actuelles en sachant qu'il y en a d'autres qui vont sortir sous peu. Des études qui ne sont pas financées par, je ne sais pas moi, un grand développeur bien connu qui pourrait avoir des influences par Google aussi, par des personnes interposées. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes ces études, parce que jusqu'à présent, ça n'intéressait pas beaucoup de monde, les data centers et l'écologie. Donc il y a eu des études qui ont été faites au moment où les GAFAM ne s'étaient pas inquiétés de commencer à financer ces études-là. Et le CNRS, d'autres organismes comme Greenit qu'on parle dans notre... c'est marrant parce qu'ils ont beau être pas d'accord sur tout, ils sont d'accord sur la finalité du truc pour dire que c'est une catastrophe écologique. Donc après, forcément, Stadia, tout ça, ils vont dire le contraire. Ils vont dire non, notre produit, il craint rien. Et l'erreur à ne pas faire, c'est que bien sûr qu'ils vont comparer un produit dématérialisé qui ne l'est pas. Ça, on insiste dessus, ça n'est jamais dématérialisé. Vous achetez un abonnement sur Stadia, vous achetez une place dans un serveur, certes qui sera moins polluant qu'une machine en plastique qu'il va falloir recycler, c'est concret. Mais le gros problème, c'est que dans un serveur, par exemple xCloud, il va y avoir 4 Xbox dans un petit serveur, donc dans un étage du gros serveur, quoi, de la tour. Et au final, quand tu calcules, c'est au niveau du nombre d'utilisateurs dans le monde qu'il va y avoir. Parce qu'on va se retrouver non pas avec 200 millions de joueurs consoles comme on était l'autre fois, comme je disais tout à l'heure, on va se retrouver avec 1,7 milliard de joueurs potentiels dans le monde. 1,7 milliard. Ce qui veut dire que les gens qui jouent aux jeux vidéo, là je ne parle pas de Netflix où on est assis dans un canapé, où on reçoit l'information, là je parle en temps réel, le signal qui fait toutes les 0,1 millisecondes le ping-pong. Parce qu'en temps réel, il faut que tu envoies une information et qu'en échange, tu reçoives l'information. Sur 1,7 milliard de personnes, ça va polluer bien plus, mais là je parle de dizaines de fois plus, que les consoles actuelles. Et ça, c'est ce qu'ils sont tous, ils sont tous d'accord pour dire ça. Et c'est là qu'il y a le problème écologique. Ça n'est pas le produit en lui-même, c'est la quantité de monde qui, tôt ou tard, va arriver là-dessus. Il va y avoir des centrales nucléaires en plus parce qu'il va falloir alimenter les data centers. Il va y avoir une multiplication de data centers dans chaque pays parce qu'on ne peut pas se connecter à un data center à San Francisco si on habite en France. Donc le data center, il sera forcément à côté de chez vous. Voilà, c'est toute cette question-là qu'il faut se poser. Mais qui, voilà, et mais puis, qui croire, surtout, il faut qui croire alors, en fait, bah, qui croire vers 4Player qui vit de rien et qui sort des super dossiers ou des youtubeurs alors, influenceurs justement. Influencés par des milliers. Qui croire, mon sang, mais qui croire. Justement, c'est pas qui croire, c'est surtout qui est-ce qui a la voix qui porte le plus loin, et malheureusement ça va pas être nous, hein, ça c'est sûr et certain. Et non, et puis surtout je tiens à préciser, je lève mon point, vers 4Player. C'est pas VR4Player qui parle, parce que nous, on n'y connaissait rien, en fait, dans cette histoire. On s'est juste posé la question, et au final, on a fait ce dossier à partir de tous les éléments du CNRS et de Greenit. C'est eux qui parlent, c'est pas nous qui parlons. Oui, je sais bien, mais t'es VR4Player est un influenceur fauché, quoi. Oui. mais sain, quoi. Sain d'esprit et de corps et de penser. Non, mais ça mériterait peut-être de le faire remonter sur le site, du coup. Qu'on est fauché. Oui, ouais, bah, c'est fait. Hein. Les gens le savent. D'ailleurs, faudrait que je pense à le rappeler dans mes prochaines vidéos. Alors, après, maintenant, VR4Player, tu as Google Stadia qui nous disent, écoutez, je vous fais un chèque de 10 000 euros et vous dites du bien de Stadia. Eh bien non, j'ai mon point, non, mon point levé. Eh bien non, eh ben non, on le fera pas. Non, mais par contre... Quand je t'écoute, Laurent, quand tu me décris le monde du dématérialisé et tout ça, enfin pour moi, Google, c'est Skynet, quoi. Au final. Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et on parle même pas du contrôle des données et de la divulgation. Il n'y a pas que l'écologie. C'est là où tu touches un point. Il n'y a pas que l'écologie dangereuse. C'est le monopole. Tout monopole n'est pas forcément bon, on sait où ça peut tourner, parce qu'au final, il ne peut en rester qu'un. Des GAFAM, ils ne sont pas nombreux, hein. On va dire qu'il y a Amazon, Microsoft et Stadia, pour l'instant, qui sont dans la danse. Google, Facebook, ouais. Ont quelques data centers, mais pas suffisamment pour les inquiéter, du moins pour l'instant. Apple, ils sont complètement à la rue, ils ont 3-4, ils ont très peu de data centers, mais ils ont par contre les moyens de le faire, Apple. Donc ils peuvent arriver aussi, eux, du jour au lendemain, ils peuvent se dire, tiens, allez, on fout 300 milliards sur la table, on achète 300 serveurs. Donc après, par contre, ce que tu dis, c'est à partir du moment où ces organismes-là auront du monopole. Je parle de la loi antitrust, par exemple. Comment ça va se passer quand Microsoft aura son xCloud en ligne et que Stadia va tout mettre sur YouTube? Et quand on sait que YouTube, c'est 1,3 ou 1,4 milliard de personnes, les gens vont aller sur YouTube et on dira « Ah putain, si je clique là, je peux jouer au jeu ». Et YouTube va être une formidable plateforme pour mettre en avant Stadia. Mais dans ce cas-là, auront-ils le droit ? Est-ce qu'ils vont pas être obligés, au niveau de la loi, que xCloud soit aussi sur YouTube ? Et au moment où ils auront un monopole comme ça, et ben ils vont tout gérer. Ils vont faire payer les développeurs, les studios, ce qu'ils voudront pour être affichés dans leur catalogue. Ils vont leur récupérer déjà 30%, c'est le cas actuel. Mais qui se dit que dans quelques années, ils vont dire, oh, ben on s'en sort plus, allez, on va leur prendre 40%. On rentre dans un engrenage où c'est le monde de la bourse, où c'est des sociétés qui ont déjà touché les nuages. Parce que c'est toutes des sociétés qui sont au-dessus de 600 milliards de capitalisation boursière. 700 milliards, il y en a qui sont même à 1000 milliards. Je pense à Amazon et à Microsoft qui frôlent les 1000 milliards de capitalisation boursière. Et une action, il faut qu'elle fasse quoi ? Il faut qu'elle monte. Parce que ceux qui donnent de l'argent, ils veulent avoir en retour de l'argent. Plus d'argent. Le souci, c'est qu'à force de toucher les sommets, il y a un moment où ces sociétés, elles ne peuvent plus monter. En bourse, ils le disent souvent, on ne peut pas toucher les nuages. Donc il y a un moment où forcément ça va dégringoler. C'est à ce moment-là que pour que l'action continue à monter, c'est là où il y a de l'inflation, c'est là où les prix vont monter. Justement pour faire des bénéfices. Et une société qui a 1000 milliards, si elle ne fait pas de bénéfices, elle n'a plus d'actionnaires. Si elle n'a plus d'actionnaires, ça se casse la gueule. Tu sais comment ils peuvent le contrer, ça? Que ce soit le monopole de Google, je reprends encore Microsoft et PlayStation, mais si aujourd'hui tout passe par Internet et tout est dématérialisé, s'ils ont un parc de consoles chacun déjà installé dans les foyers et que tu en as fort. Plus forcément, enfin, t'as plus forcément besoin de la puissance qui est intégrée dans ta console. Tu peux t'en servir de passerelle pour accéder directement à ton service de gaming. Ah, tu veux dire parce à partir dire... d'une en grossissant déjà... avec une Super Nintendo accéder à Stadia? Non, pas avec une Super Nintendo. Non, mais je grossis le truc. Ce que je veux te dire, c'est que voilà, aujourd'hui, une PS3, ils peuvent te dire bon, ben aussi depuis ta console, tu peux y accéder si tu veux. Et ils gardent un pied dans le game en intégrant le service PlayStation, etc., ou le service Microsoft dans leurs consoles respectives. Et tu peux contrer aussi l'inflation de Google comme ça. Pour moi, tout est pas. Je pense pas qu'il en reste qu'un. J'y crois pas. Enfin, aujourd'hui, toutes les plateformes de vidéos à la demande, t'en as plein. T'as Canal+, t'as. On a le droit de citer les marques, oui. T'as Canal+, oui, t'as. Ouais, on est fauchés, donc on s'en fout. Et puis on gagne rien. Donc. Comment il s'appelle, Netflix et tout ça. Enfin, tu vois, c'est... aujourd'hui, il y en a pas qu'un. Enfin, t'as encore Amazon Prime, YouTube, ils s'y mettent aussi. Enfin, il y en a d'autres. Je pense que sur et Disney qui arrive en plus, Disney qui a fait le carton de l'année, voire du siècle. Donc ouais. Je pense pas que ça soit une finalité en soi. Si tu veux. Star Wars. Je pense qu'il va y avoir quand même. Non avec Disney Plus. Je plaisante. Ah ouais, pardon. et moi je saute dedans. donc ouais, non, je pense pas que ça soit une fin en soi, si tu veux. Je pense qu'il y aura quand même plusieurs acteurs. Je pense que tout comme la VR ou tout comme toutes les nouvelles technologies, ce que j'ai souvent parlé, c'est la courbe du hype où il y a l'envolée des espérances et puis après il y a une belle chute. Et ben la belle chute, elle est pour bientôt pour le cloud et après ça va repartir sur quelque chose de sain. De plus sain, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, pour l'instant, tu pètes la bulle, moi, entre guillemets, spéculative, et puis tu repars sur de nouvelles bases. Mais je pense que au niveau de là, pour l'instant, ils savent très bien que ça va partir doucement. Tout le monde va en parler, ça c'est sûr. Il y a quelques bobos qui vont pouvoir se le prendre, qui vont peut-être donner leur avis, c'est génial ou c'est pas terrible. Mais le vrai départ du cloud gaming, pour moi, il va arriver après PS5. Enfin, voilà. Moi, non, je dis encore. On revient toujours au. L'avenir, entre guillemets, ça c'est. Pour l'instant, on est sur des rails, c'est tracé. Mais est-ce que Google poursuivra avec sa formule Stadia? Ça c'est une autre chose et je ne le pense pas. Ouais. Vous le pensez, on y reviendra dans 5 ans. C'est ça. mais t'as peut-être tout à fait raison. Là, vraiment, franchement, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Je sais pas. Il peut y avoir aussi. Il faut voir la culture d'entreprise. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment calculé, c'est que ce soit un flop total. Et que pour une fois dans l'histoire de l'humanité, eh ben, y a des consommateurs qui se disent. Ça serait la première fois. Il y a des consommateurs qui se disent. Mais on n'en veut pas de cette merde. Bah, tu l'as eu avec la VR, les débuts de la VR. Oui, mais imaginons que tout d'un coup, les gens décident de ne pas vouloir. Ils vont pas vouloir un produit en lui-même, mais ils vont se retrouver. Déjà, les gens, ils gagnent de moins en moins d'argent. Alors, il y a de plus en plus de riches, mais finalement, quand tu vas te retrouver avec 300 € de forfait ou d'abonnement chez toi, parce que les gamins, ils voudront Disney, allez, boum, 10 balles. Ils voudront un jeu vidéo, boum, ça, moi j'aime bien cette série, mais elle est que sur cet abonnement-là. Boum, à la fin, ouais, tu te retrouves mais avec d'ici là, t'auras 30 abonnements. Le revenu universel loisir. À la fin, tu télécharges. De quoi ? À la fin, tu télécharges. Eh ben à la fin tu veux ouais, oui voilà c'est ce que beaucoup font hein. C'est ce que beaucoup font voilà il y a un moment où c'est là où je dis il ne peut en rester qu'un, c'est qu'il y a un moment il va falloir regrouper tout ça parce que c'est pas viable quand tu coupes un gâteau en 35 parts les gens, la différence c'est que les 30 chaque part vaut le prix du gâteau en fait. Donc au final les gens ils vont dire bon bah je vais prendre lui parce qu'il y a ma série préférée ou il y a mon jeu préféré et puis au final et bah, ceux qui vont ressortir bah ceux qui auront les plus grosses licences et qui pourront racheter d'autres licences et choper des exclusivités et au final les autres ils vont s'éteindre. C'est cyclique, on le voit avec les opérateurs qui te permettent de regarder le sport à la télévision. Un moment t'es au haut du tableau, donc t'es le fournisseur a possédé à tout prix, et puis après, le lendemain, c'est plus toi. Donc, on verra bien ça. Voilà. Wait and see. Bah oui, ouais, c'est sûr. Enfin, ouais. Parce que là, on pourra en parler jusqu'au bout de la nuit. Et dis donc, et si on parlait du jeu vidéo ? Ouais. Ça vous dit ? Si on parlait des professionnels. Ah, bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, ça sera intéressant à suivre. On va commencer. Bah, je pensais commencer par toi, Laurent, mais je pense qu'on t'a déjà bien entendu. Mais là, j'ai soif. T'as soif ? Va boire un coup là. Contagion, tiens, Cyril, qu'est-ce que tu pouvais en dire là-dessus ? Alors, Contagion, nous avons fait le test, c'est Sébastien qui s'y est collé. Alors, c'est Contagion VR Outbreak, c'est le fruit du studio Monochrome. Le jeu est déjà sorti sur PC VR, mais il est arrivé le 12 novembre sur le PlayStation Store, donc sur PlayStation VR aux USA, au tarif de $25. Pour l'instant, il n'est toujours pas disponible sur notre bon vieux PlayStation Store. Et donc le jeu est un jeu d'action horreur à la première personne. Alors, il y a du bon et du moins bon, comme toujours dans ce jeu. Les graphismes sont plutôt propres et la partie sonore fait le job, mais l'ensemble nous donne quand même une impression datée dans les textures et notamment les sons qui nous rappellent la première PlayStation. Dans presque chaque mission, on incarne un nouveau personnage, donc c'est original, on va dire, et ça nous permettra de vivre une nouvelle histoire zombifiée, comme l'a précisé Sébastien. Alors, chaque mission est relativement courte, comptez entre 30 et 45 minutes selon le niveau de chacun, et 10 minutes si on n'est pas patient. Pourquoi ? Parce qu'il y a de gros problèmes de gameplay, donc Sébastien les a relevés, et ça gâche en permanence l'immersion et le plaisir de jouer. Le jeu se joue exclusivement, donc si on possède avec les PlayStation Move, et il est compatible avec le 3D Rudder. Donc on est sans cesse obligé de poser par exemple une arme à terre pour ouvrir une porte, il faut galérer pour la ramasser, le tracking de la caméra, bon ça c'est bien connu avec les PS Move, est capricieux. Enfin tout ça fait que l'expérience est gâchée et qu'au final c'est une déception ce portage sur PlayStation VR. Il s'est fait attendre longtemps, il a nourri de belles espérances on va dire, mais au final ça fait pas le job. Et Arizona Sunshine, il est largement devant, quoi. Voilà. Si on doit citer un jeu par au graphisme un peu daté, un petit peu dans la même veine, il est devant et il s'en sort beaucoup mieux. Et Contagion, c'était, il y avait un trailer qui était sorti il y a deux ans, il me semble. Ça date. Ouais. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est un jeu qui a été développé déjà il y a un paquet de temps et qui avait hypé pas mal la communauté parce qu'il y avait une ambiance réaliste et une mise en scène qui avait l'air quand même assez efficace. Finalement, c'est un petit peu le pétard mouillé, quoi. Ben c'est ça. Alors, je pense qu'il arrive trop tard sur PlayStation VR. Ouais. Bon, au moins, il a le mérite d'arriver. Du moins, pour l'instant, sur le store US, parce que nous, encore une fois, là, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment, la No way out. No way out. Ouais, là, je pense que le réseau au niveau européen, il est pas bon. Donc, il est daté. Voilà, il est daté. Il y a des problèmes de gameplay, mais qui sont toujours pareils, inhérents au PS Move, mais pas que. Donc, il y a des jeux qui sont largement devant Arizona Sunshine et surtout The Persistence. Voilà. Ok. Dans la même. Et le test pour quand ? Oh ben là, il est quand vous écouterez le podcast, chers amis, il sera disponible sur le site. Sur VR4Player.fr. J'aurais craché. Promis. si je mens croix de bois, croix de fer, je vais en enfer, tout ce que tu veux. Si tu peux poster le podcast dans un mois, ce sera parfait. Ouais, je vais faire ça, je crois. c'est comme Skynet, j'ai qu'à appuyer sur un bouton là, tu vois. C'est Skynet. On va rester dans la trouille avec Doctor Who, avec Majo. Ah tiens, Majo, là, toi qui aimes les jeux d'horreur, c'est bien ça. Ouais, bah je suis fan. Il est fraîchement fini, tu vois. Alors moi j'ai pas du tout rédigé le test, il sera pas prêt je pense quand le podcast sortira. Mais t'as fait la vidéo de preview quand même. La vidéo. Ouais, j'ai fait la preview. Alors j'ai fait pour la preview, j'ai fait les deux premiers chapitres. Et du coup je l'ai fini hier. D'accord. 5 chapitres. Donc quoi le... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait le troisième. Le troisième est bien. Et après. Apparemment, il fait peur. Avant, c'est pourri. Donne-nous envie de l'acheter. En fait. Non, mais le jeu en lui-même est bien, si tu veux. Mais c'est un jeu qui va alterner plusieurs phases de gameplay. C'est-à-dire que c'est pas seulement un puzzle game. C'est aussi donc un jeu à jumpscare. Donc, en partie dans le chapitre 3. Ouais. Et dans le dernier chapitre, c'est carrément un rail shooter. D'accord. Donc, changer de. Voilà. Donc ça joue un peu sur tous les gameplays et en fait ce qui m'a un peu déçu, j'ai quand même bien aimé. Même ce qui m'a accroché, c'est l'histoire, parce que je connais pas trop l'univers de Doctor Who, je connais un peu la série de loin, mais moi ce qui m'a vraiment accroché, c'est l'environnement, l'histoire et le personnage, du coup, parce que de faire le lien entre tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais en fait, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que c'est très dirigiste sur la fin du jeu, en fait. C'était beaucoup moins libre de ce que tu dois faire. Et du coup, ça m'a un peu refroidi par rapport au début du jeu, où j'étais vraiment, vraiment transcendé par ce jeu. Voilà. Et tu sais pas, si tu suis pas la série, tu sais pas justement s'il y a un lien scénaristique, si ça rentre pas dans le canon, on va dire, de la série. De l'histoire, il faudrait que je me renseigne, parce que par curiosité, ce serait déjà pas mal. Mais de ce que raconte le jeu, ça a l'air cohérent. D'accord. Parce que j'ai l'impression que ça reprend justement des vieux épisodes de Doctor Who, pas forcément de la dernière saison justement, et du dernier Docteur que t'incarnes. Mais par exemple, les espèces de statues qui bougent quand ils ne regardent pas, ça c'est un truc qui a... Ah, c'est les anges démoniaques, ils appellent ça. Ouais, qui est déjà apparu justement dans une ancienne saison, ça. Ben donc ça fait partie de ce fameux chapitre 3 qui t'a traumatisé. Ouais, visiblement, James Carrifian. T'as la voix qui est bizarre. Je tremble rien d'y penser. Je les revois. Mais la manière dont c'est amené, j'ai trouvé ça très très sympa. Ça m'a fait rire au début et beaucoup moins sur la fin. Rire et nerveux. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est avec les insultes qui vont avec, bien entendu, parce que ça détend. mais donc ouais, c'est ce qui m'a un peu refroidi, ouais, par rapport au début du jeu, c'est cette fin de jeu, du coup, à laquelle je m'attendais pas, puisque j'étais habitué au gameplay précédent. Mais avec le recul, je me dis que finalement c'est pas si mal, parce que ça permet de varier. Et puis ça fait barreau d'honneur peut-être avant la fin justement. Non, pas tout à fait, non. Parce que vu comment c'est fait, après tu sens dans la manière dont ça t'est amené, dont ça t'est expliqué, tu sens que c'est fait pour faire, je dirais, un rail shooter dans le jeu, et c'est pas toi qui dirige, si tu veux. Mais il t'explique ça d'une certaine manière que moi j'ai interprété comme bon, ben si c'est toi qui conduis, tu vas vomir, il va falloir que ça aille vite, machin, tu vas pas pouvoir tout gérer. Enfin, ouais, tu vois, d'accord. Je l'ai un peu pris comme ça. Donc, du coup. Je suis pas mitigé, je reste quand même sur un bon avis, parce que même si la fin est plus dirigiste, il y a quand même globalement, ouais, t'as bien 4 heures où t'as un bon puzzle game avec avec une histoire derrière, avec vraiment des environnements. Je te dis, c'est le chapitre 2, c'est génial. On le voit dans la vidéo là, quand t'es dans l'espace et tout. Alors, honnêtement, c'est magnifique, quoi. D'accord. Et donc, bonne pioche, même si t'es pas fan de la licence, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, du coup, même si tu gères pas la licence, moi j'ai réussi à, enfin j'ai compris tout le scénar du début jusqu'à la fin, et j'ai l'impression que ça s'imbrique quand même. Il faudrait que je vérifie quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a. Donc c'est un bon portage de l'univers télévisuel à l'univers jeu vidéo, d'accord. Parce que généralement ça fait pas bonne recette, mais d'accord. Pour le coup, c'est bon. Non, franchement, c'est un bon puzzle game, quoi, du coup. C'est Il est en français, du coup ? Sous-titré en français, ouais. Sous-titré en français, d'accord. Doublé en anglais, mais tout est sous-titré en français. Bon, d'accord, fait. Donc ça aide à la compréhension, c'est plus simple. Ah bon, cool. Ok, donc Doctor Who, la bonne pioche, bientôt le test. Bah du coup, demain, c'est bon, tu le sors, t'auras le temps ? Pas de problème. je vais essayer. Demain matin, hein. Demain matin, bien sûr. Ah, vous avez pas de métier, les gars, parce que moi j'en ai un. Non, mais par contre, on a pas de nuit, en fait, c'est ça. Ah, merde. Bon, allez, on va passer à un autre genre. On en a déjà un petit peu discuté pendant l'émission, mais là, on va y revenir un peu plus en profondeur. Et pour parler de profondeur, on va demander à Laurent, avec Crazy Machine VR. Mamba. J'en chie pour mes transitions, hein, j'essaye de chercher des trucs, mais bon, c'est pas toujours très heureux. On va aller en profondeur avec Laurent. Ouais, ouais. Crazy Machine VR, c'est un jeu du studio Fact Software qui est édité par Purps Games et Wild River Games. Je m'applique pour. Ouais, là, s'il y avait Maître Capello de l'anglais, alias Sébastien, anglais. Je pense qu'il t'aurait repris. C'est une super licence, Crazy Machines, qui a fait un succès fou, qui s'est vendu à plus de 1,7 million d'exemplaires dans le monde, qui était très connu. Et puis, ils ont décidé. C'est une société qui ne fait pas que des jeux VR, c'est pas qu'un studio de développeurs, ils font aussi des applications pour les entreprises. Et puis ils ont décidé d'en faire une déclinaison VR cette fois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les habitués de Crazy Machine, qui connaissaient déjà bien le jeu sur PC, qui est plutôt bien, oui, vont être surpris parce que ce n'est pas du tout ce que les joueurs qui connaissaient le jeu attendaient en VR. À savoir, c'est qu'en VR, dans le jeu classique, en fait, quand tu donc c'est un système de, déjà on va peut-être dire ce que c'est un système de comment on appelle ça, de mécanisme réaction en chaîne, d'effet papillon, dans lequel il va falloir placer des objets à certains endroits pour que la mécanique fonctionne. Donc une balle qui passe dans un tube, la balle tombe sur une bombe, la bombe tombe, explose, l'effet domino qui va s'enchaîner et à la fin, il faut arriver à faire fonctionner la machine par un effet domino. Bien entendu, il y a certains éléments qui sont manquants. Et donc, c'est à vous d'ouvrir une mallette et de trouver ces objets manquants et de les ajouter au bon endroit pour que l'effet domino fonctionne. Sauf que sur la version classique, ce qui était sorti un peu sur toutes les machines... La version classique, et l'objet, on pouvait le prendre, on pouvait se tromper parce qu'il y avait énormément de possibilités de placement. Et également, les objets, on pouvait les mettre sur plusieurs angles. Sauf que là, sur cette version, c'est des magnettes. Donc tu prends déjà, tu as très peu d'objets. Et puis quand tu prends ton objet, que tu l'approches un peu du truc, plaf, il se colle, et il se colle déjà dans le bon sens. C'est d'accord. Donc, voilà, tu peux pas te planter en fait d'un centimètre. Tu peux pas vraiment te planter, mais c'est quand même pas facile. Hein. C'est pas non plus, c'est pas un truc. Les premiers sont évidents. Après, ça se guette. Mmh. Donc voilà, il a été critiqué sur ce point-là par tous les joueurs qui connaissaient bien le titre d'avant. Donc maintenant, par contre, pour quelqu'un qui ne connaissait pas, c'est super net, c'est super beau. C'est pas aliasé du tout, c'est vrai que c'est très très chouette, et puis c'est relativement sympa parce que tu te retrouves avec des petits trucs qui vont, tu vas appuyer, tu suis la balle du regard, tu peux même tourner autour pour voir où elle va aller, enfin c'était comme un gamin là, devant ce genre de truc. Petit bémol, voilà, c'est très addictif. Petit bémol, c'est vrai que c'est dommage. Je pense à un des tableaux où c'est qu'il faut mettre des lumières, il faut mettre des objets, et il y a un laser qui va se répercuter sur ces objets et qui va envoyer le laser ailleurs. Et ben là, par exemple, tu ne peux pas te tromper. C'est un miroir blanc. Ça aurait été sympa de pouvoir tourner la pièce pour voir où le laser allait, et là, tu le poses, plaf, il se colle, et c'est bon, il est tout de suite bon. Ouais. Au final, il est assez simple. Et du coup, ça te fait une expérience qui est vite tordue. Hein. Il y a beaucoup de niveaux, il y a 40 niveaux, mais déjà, en 2 heures, tu as déjà tombé 30 niveaux tranquille. Quoi. Ah oui. Enfin, j'exagère quand, peut-être. Quand t'es bon. 20 niveaux, 20 niveaux tranquilles. Bah, disons que le concept est génial. Le truc, si vraiment derrière il y avait plus de possibilités de se tromper. En plus de ça, t'as un petit robot qui est toujours avec toi et qui te donne toutes les réponses. Il te spoil, mais du début à la fin. Et t'es pas limité et non, dans justement. Le nombre de consultations. Ah non. Moi, je me suis amusé à faire des niveaux avec que le petit robot. Parce que je me suis posé la question. Que t'étais limité. Je me suis posé la question. Alors lui, il t'insulte. Après, il te gueule dessus parce qu'il a ça le caractère. Et il va te dire je t'ai assez donné de réponses. Mais dès que tu lui en demandes, il t'en donne. Donc au final, tu peux très bien finir le jeu en 40 minutes qu'avec le petit robot. C'est une femme. C'est un robot qui ressemble un peu à Job Simulator. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ouais. Non. Tu peux couper. Non. T'assumes. Je pense que ta femme a entendu. C'est vrai que. T'es mort. C'est vrai qu'ils auraient dû. Mais elle a pas le contexte. Ils auraient dû mettre un niveau facile, un niveau moyen, un niveau dur. Un niveau dur, t'as carrément pas le petit robot. Et puis rajouter quelques niveaux. Et puis donner. Ah, c'est le petit bémol. Le jeu est pas mauvais. On lui a mis 6,5 sur 10. C'est un concept qui aurait pu taper les 7,5, 8 sans problème, mais à cause de ces petites choses-là, eh ben, il reste à 6,5. Quoi. T'es pas obligé de le solliciter quand même, le petit robot, t'es obligé de lui poser la question pour qu'il te donne un élément. C'est toi qui lui demande. C'est une solution de facilité. Disons qu'il est à côté de toi, quoi. Je veux dire, il est pas en mode, tu sais, dans les tutos de certains jeux, genre, cette énigme, tu devrais peut-être mettre cet objet-là pour arriver plus loin. Là, vraiment, t'as pas le choix. Il est à côté de toi, il te regarde de temps en temps, tu sais, tu le vois qu'il te regarde, et puis il y a un truc, tu dis, putain, comment on fait ça, comment on fait. Puis il va mettre la pièce quelque part, il te fait, non. Voilà. Là, tu fais la merde. Après, tu t'aperçois que le truc, il est pas limité. Donc après, t'as tendance à. Allez, c'est comme les paquets de bonbons, tu sais. Tu dis, il m'a donné la réponse. Allez, tiens, donne-moi. Allez, après, promis, j'arrête. Allez, tiens. Bon, allez, dernier. Bon, allez, le dernier. Et allez. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce mode-là pour les enfants. C'est parfait. Et qu'il n'y ait, pas un mode moyen qui soit. Quand qui est un mode de difficulté. Il t'aide trois fois par niveau, point barre. Puis après, c'est fini. Voilà. C'est le petit truc qui est dommage. Mais ça reste quand même une bonne pioche et puis une petite malène par de contre, Proust pour certains passé, joueurs. Quoi. J'ai passé une super soirée dessus. C'est très chouette. J'ai beaucoup aimé le look est excellent dans le casque, c'est super net, c'est super propre, le concept est génial, mais après c'est vrai qu'à la fin on se dit c'est dommage quand même. C'est des petits trucs comme ça, c'est toujours les petits trucs qui à la fin qui gênent quoi. Mais c'est pas une bouse, si vous hésitez, prenez-le, c'est bien. D'accord. Mais attendez-vous pas non plus. Allez voir le test, c'est plus en détail dessus. Mais voilà. Allez voir le test sur le site Crazy Machine VR, c'est bien. Et si on parlait de ping-pong. Là, tu m'avais fait une bonne transition en me disant c'est bien. C'est bien. Mais parlons de ping-pong. Mais pas bien. Pas bien du tout. Alors là, encore une fois, désolé pour lui, c'est Sébastien qui s'y est collé. Après tout, c'est notre champion de la discipline. Puisqu'il m'a mis régulièrement des raclées à Racket Fury. Donc, le test lui revenait de droit. Et pas bien du tout. Je vais commencer par la conclusion, à savoir la notation. Et 3 sur 10. C'est rare chez VR4Player. C'est rare. Bon, et là, il a pris. Arc Park avait eu 4. Oui, mais c'est rare. C'est pas. Ouais, mais il était surnoté. Oui, ouais, en plus. T'étais de bonne humeur, en fait. Alors voilà, bon, ouais, 3 sur 10. Alors quoi. Quoi en dire de ce VR Ping Pong Pro? C'est un jeu de ping pong. Voilà, déjà, donc c'est le nouveau titre du studio Merge Games. À l'origine du fameux. Pas de mauvaise blague. À l'origine du fameux. On y a tous pensé, personne ne le dira. Oh là là, les pauvres, ils ont produit et ça, c'est bien de leur part. Alors, à l'origine, ils avaient produit leur premier jeu qui était VR Ping Pong, pour ceux qui s'en souviennent, sorti en février 2017 et qui reprenait des graphismes à la Minecraft. Bon, ça avait été. ça avait été un avec des balles carrées. Ouais, ça avait été un flop. Mauvais. Et donc, cette version pro, elle est sortie le 12 novembre de cette année, donc 2019, au prix de 29,99€. Et un grand ami à moi, un soir de grande difficulté, criait pigeonnerie. Pigeonnerie. Voilà. Du coup, la balle est ronde maintenant. Dans d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, je vous fais remarquer que depuis qu'il a testé VR Ping Pong, on le voit plus. C'est vrai, le pauvre. Bah, ça. Reviens-nous, Sébastien. Et donc, cette fois-ci, on a dans cette version pro, on quitte l'univers de Minecraft. Hein. On a des graphismes. Qui sont assez variés, mais qui sont malheureusement flous, avec des textes difficilement lisibles. Il y a 5 environnements, 4 supplémentaires qui sont à venir, et dans ces environnements, on peut affronter une raquette étrangère. Et oui, car dans, une raquette étrangère. Voilà, dans ce jeu, on affronte toujours des raquettes avec un drapeau dessus, pour que l'on comprenne l'origine de la raquette. Quoi. C'est original, hein. Voilà, donc gros point noir également, la jouabilité est une catastrophe. En gros, Sébastien nous donne comme idée, on se fait l'idée de sensation. Imaginez-vous jouer avec une raquette en mousse accompagnée d'une balle rebondissante. Donc voilà, là on a le gameplay du jeu. Pourtant, il y a de bonnes idées par-ci par-là, cependant la sauce prend pas. Il y a beaucoup trop de défauts qui viennent gâcher le jeu. Et ça, c'est déplorable, c'est ce qui fait que la notation ne va pas au-delà de 3 sur 10, et il n'arrive pas à la cheville de Racket Fury, qui est la référence. Bon, par contre. Il est supérieur à la version initiale VR Ping Pong, la pro est donc un peu meilleure. Voilà. Par contre, il est à oublier, malheureusement à oublier. Moi, j'en attendais beaucoup de ce jeu. parce que de ce qu'on avait vu du trailer, des screenshots, tout ça, ça avait l'air sympa, ça apportait une ambiance pro, on va dire, ouais, pour le coup, réaliste, comparé à Racket Fury, où c'est un univers de robots futuristes, robotique. Voilà. Ouais. Et là, j'aime bien, ça nous ancrait un petit peu dans la réalité, et au final, c'est un flop total. C'est une réalité en mousse. Voilà. Disons, après Racket Fury, VR Ping Pong, VR Ping Pong était tout seul au début. Après Racket Fury, ils auraient mieux fait de repousser le jeu et de revoir toute la physique déjà. Mais... Dans Racket Fury ou dans VR Ping Pong. Ah oui, voilà, Pro, d'accord. Okay. Ils auraient mieux fait de revoir la physique. Oui, mais ils ont quand même, le modèle, Pro, c'est quand même Racket Fury. Il est sorti quand, Racket Fury? Ça fait un an déjà qu'il est sorti. Il a au moins un an. Ouais. Et oui. Donc là, on en a reparlé dernièrement parce qu'il y a la version qui n'existait c'est pas, qui est multijoueur. Mode multi. Voilà. Mais ça fait un an déjà qu'il est sorti Racket Fury. Donc bon. Ouais, et puis surtout, il coûte 10 balles moins cher quasiment. Et il est bien meilleur. Ouais. Mais par contre, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas que Racket Fury c'est un jeu de ping-pong. Ils voient des robots. Ouais, c'est possible. Quand tu vois le design, c'est possible. Mmh. Mais c'est dommage. Là, c'est un coup d'épée dans l'eau et ça m'en coup de raquette. Coup de raquette dans l'eau. Oh oui. Oh, l'humour. Ah, c'est beau. Voilà. Bon, 3/10. 3/10. Dans 2 épisodes, ils arrivent à la moyenne. Catastrophique. Bon. Allez, parfait. Ping Pong Pro. Donc, en fait, c'est pas bien. Pas bien. Là, on va parler gros là. On va parler de trucs gros. Pas bien aussi ou pas? Je sais pas, c'est Laurent qui va nous le dire. Je suis pas gros, moi. Avec, déjà, il est profond. Je suis pas gros. Avec Golem. Je suis gros, putain. T'en prends plein la gueule, c'est comme ça. Ouais, ça tombe toujours sur une personne. Le chef, il est fait pour être flagellé. Exactement. Voilà. Et quand il y a personne, je me flagelle tout seul. Le point levé, toujours. Golem, mon petit Lolo, qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, Golem. Tiens. Ah, ouais. Golem. Parle-nous de Golem. J'en ai jamais entendu parler. Golem, c'est un jeu qui nous suit depuis la création du site. La création du site, c'est ça, ouais. Même avant, parce qu'on savait déjà qu'il était dans le catalogue officiel du PSVR avant même que le PSVR soit sorti. Je te parle de 2015 même. Ouais. 2016, ils ont commencé à le mettre de partout, dans les trailers et tout, pour promouvoir le casque. C'est un jeu qui avait l'air assez joli, qui était attendu, qui n'est pas fait par des branlots. C'est quand même, y a quand même du beau monde derrière. Ils sont une petite équipe, ils ne sont pas très nombreux. C'est tous des ténors du développement qui ont travaillé notamment sur des jeux comme Destiny, Halo, Infamous. Infamous. Ils ont bossé pour des sociétés Square Enix, Microsoft, Warner Bros, Activision, Valve, Camouflage, pour Iron Man VR. Donc c'est quand même des gens qui... c'est un jeu qui était hyper attendu. Il intriguait, et en même temps, sa multitude de reports a un peu désespéré tout le monde au bout d'un moment, parce qu'on en avait marre. Il nous avait annoncé qu'il sortirait en 2018. Quelques mois plus tard, c'est repoussé. Après, on ne sait même plus si le jeu est encore en route. Et puis, d'un coup, ça y est, il arrive. Cette fois, ça y est, il est sorti. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas mauvais. Donc, la note finale du jeu, c'est 7/10. Pas mauvais, mais quand même quelques défauts. Après tout ce temps passé à l'attendre, on aurait espéré qu'il y ait quand même quelques petites choses qui soient corrigées. Notamment, le problème principal, je dirais que ça va être le problème des déplacements qui se font étrangement. C'est un jeu qui se joue uniquement au PS Move. Mais on peut le faire fonctionner. Alors c'est bizarre, c'est vraiment une mécanique un peu étrange. Donc tu as un seul PS Move, tu n'as pas les deux. Et tu peux te déplacer avec la DualShock dans la main, par exemple. Si tu n'as pas la DualShock et que tu fais le choix de n'utiliser qu'un seul PS Move, en fait, tu vas cliquer sur la gâchette de ton PS Move. Et au moment où tu cliques sur la gâchette, en fait, c'est quand tu vas avancer ta tête vers l'avant ou ton golem va partir sur l'avant, mettre la tête en arrière pour que ton golem recule. Et pour tourner, tu vas te servir de ton casque comme un gouvernail. Donc là où tu vas regarder, le golem va tourner. Ce qui fonctionne relativement bien, je parle du gouvernail, je parle pas de avancer reculer parce que c'est pour moi c'est le principal défaut de ce déplacement là, c'est que les PS Move on les connaît, ils sont capricieux et quand tu commences à avancer ou bien même des fois en plein combat où tu vas avoir le PS Move va complètement se dérégler et là tu as beau mettre ta tête en arrière et il veut pas reculer, tu te prends un grand coup d'épée dans la tronche et t'es mort et t'as perdu, et d'autant plus qu'en plus le jeu est aussi un peu punitif. dans le sens où les développeurs ont voulu un jeu où on soit content de gagner. Et pour être content de gagner, il faut prendre des risques. Et ouais. Là, à Golem, chaque fois que vous allez affronter un Golem, eh ben, vous prenez des risques de tout perdre. Alors, pas tout perdre, c'est pas totalement vrai, parce que si par exemple vous affrontez 10 golems avant, vous allez leur piquer les 10 épées, vous allez leur piquer leurs 10 médaillons et leurs 10 casques, vous allez perdre uniquement le casque, le médaillon et l'épée que vous aurez sur vous quand vous allez vous battre. Tout ce qui est équipé est perdu, quoi. Voilà, tout ce qui est équipé est perdu. C'est pas forcément une critique, parce qu'au final, c'est vrai que quand tu gagnes contre un méchant golem, parce qu'il y en a qui sont plutôt fort et plutôt rapide, hein, parce qu'ils sont très lents pour se déplacer, mais ils sont très rapides. Au début, c'est cool, mais après, ça va beaucoup plus vite. Mmh. Et donc, du coup, si tu perds ta dernière épée que tu as eu super de mal à avoir, et que à cause du PS Move qui a pas voulu avancer ou pas voulu reculer, là, soit tu casses le PS Move, soit tu démontes le jeu. Je peux te poser une question, Laurent ? Ouais. Est-ce que aussi, quand tu choisis délibérément de retourner au workshop, tu perds tes armes ? Enfin, ton équipement. Alors ça aussi, c'est une partie qui m'a étonné. Tu ne peux pas changer d'arme, donc tu récupères 5 ou 6 armes sur plusieurs golems, tu ne peux pas changer tes armes en jeu. Donc tu es obligé d'abandonner ta partie en cours pour retourner au workshop. Ouais, et à ce moment-là, quand tu vas dans le workshop, tu vas sélectionner tes armes. Par contre, je n'ai pas fait attention si tu perdais celles que tu portais. J'ai pas fait gaffe. Il me semble que oui. Donc c'est des très bizarre comme système. C'est très bizarre et c'est étonnant parce que le jeu globalement il est relativement joli, les modélisations, les textures sont très bien. T'as beau regarder, tu poses ton nez dessus, tu vois que c'est travaillé quand même. Les textures sont belles. Il est très aliasé. Très aliasé, on va dire aliasé carrément tout court, parce que je pense que ce que je disais la dernière fois, c'est que ça me fait un peu penser à Cyan avec Obduction, qui avait aussi énormément de retard, et au final on s'est aperçu que le jeu qui était très très bien sur PC, finalement il n'était pas terrible sur PS4, sur PSVR. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà hyper aliasé, il n'y avait pas de déplacement libre, enfin il y avait plein d'autres soucis. Mais au final je pense qu'il y a un moment où les développeurs se sont dit on veut faire le plus beau jeu du monde avec le meilleur framerate possible, et puis là ils sont revenus en arrière en se disant on n'aura pas les deux ensemble, donc il va falloir faire des concessions. Et au final, et ben, ils ont fait sauter le filtre anti-aliasing pour optimiser pour le jeu, et, ouais, pour que ça passe. Je pense que c'est. Il est patché PS4 Pro ? Je pense pas. Je pense pas. On n'a pas entendu parler de ça. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que s'il ne l'est pas, il est relativement joli. Mis à part l'aliasing, franchement, au niveau des éclairages, au niveau des textures, au niveau des modélisations, c'est très chouette. On l'oublie l'aliasing après, hein, parce qu'on a vu pire en jeu, mais on l'oublie en y jouant. Après, au bout d'un moment, j'y ai passé à peu près 10 heures dessus, tu oublies tout ça, tu oublies l'aliasing, mais s'il n'est pas patché, ça promet quand il va l'être. Dans ce cas-là, ça sera plutôt sympa. C'est pour ça que j'ai aussi mis 7 sur 10, parce que c'est un jeu qui était très attendu. Je pense aussi qu'il ne lui faut pas grand-chose pour être super. Il faut juste corriger ce système d'avancer, reculer, là, qui à mon goût, ne fonctionne pas. Je ne suis pas sûr qu'il faut, par contre, avoir un système classique comme on pourrait avoir sur d'autres jeux VR avec les deux PS Move, dans le sens où c'est qu'on aurait un PS Move, tu appuies sur un bouton pour avancer, après tu recules avec un autre bouton, parce que ce qu'il y a de bien dans Golem, et c'est ce qui me fait peur, c'est que j'espère qu'ils ne vont pas supprimer ça, ce qui est bien dans Golem, c'est que quand tu es dans un combat, tu as quand même un golem en face de toi qui fait 3 ou 4 mètres de haut et qui va vouloir t'attaquer, c'est pas un guignol comme il y a dans tous les jeux qu'on trouve à l'épée sur le PSVR. Il y a quand même du vrai combat. Il va vraiment falloir parer ses coups, être rapide, ils vont assez vite, donc et du coup dans le jeu, si l'autre il veut te mettre un coup d'épée qui va te frôler le nez, ton premier réflexe ça va être faire un pas en arrière. D'accord. Et ça, c'est pas avec un bouton que tu l'auras cette impression-là. C'est pour ça que je me dis que c'est bien. C'est ce qu'ils ont voulu faire, en fait, les développeurs. C'est un bon compromis, en fait. Ils n'auraient pas pu faire mieux, quoi. Voilà. Ils ont voulu garder ça. Et là, maintenant, forcément, c'est vrai que le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas percuté que les PS Move étaient très capricieux et qu'il y a des moments où tu as beau reculer, ça ne recule pas. Ouais, donc, ils ont dû tester le jeu, quand même. Bien sûr, ils l'ont testé, mais à mon avis, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est vraiment au niveau de l'immersion, qu'on soit dans le combat et dans le, et ça rend plutôt bien quand ça marche, c'est, ça fonctionne bien. Le souci, c'est que ça peut pas fonctionner. Donc au final, moi je serais d'avis de garder le gouvernail à la tête et d'avoir juste deux boutons pour avancer, reculer. Par contre, là ils ont annoncé que le jeu allait être compatible avec le 3D Rudder. Non, pas le 3D Rudder, le joystick de la PS3, des moves de la PS3. Moi non plus. Le c'est le motion controller, un truc comme ça. Ouais, possible. Ah, l'espèce de nunchuk là. Le petit truc qui était avec les PS Move, ouais, qui était vendu avec, qui était déjà compatible sur le PSVR avec tennis pro, là, je Dream sais pas quoi. Tennis. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs que les développeurs n'aient pas plus utilisé ce truc-là et que Sony l'ait pas plus remis en avant. Oui. Parce que pour beaucoup de jeux, justement, ça pourrait être une sacrée avancée, coup, en tout cas. Avec cet accessoire, ce serait le premier jeu avec un stick analogique du PSVR. Et là, franchement, un patch pro où il me supprime un peu la liaising avec des déplacements avec ce truc-là, parce que alors c'est le navigation controller, le Sony navigation controller. Ça c'est un truc que vous trouvez dans les magasins d'occasion, parce que c'est un accessoire PS3 que vous allez trouver à 3-4 euros. Donc franchement, avec si Golem est compatible avec ça, franchement faut y aller, quoi. Donc, okay. Après pour le reste c'est un bon jeu. Donc sans justement ces deux défauts là principaux, on va dire qu'il aurait tapé facile dans le 8 et demi, quoi. Il aurait facilement pu avoir 8. D'accord. Ouais. Après c'est des défauts qui m'ont gêné plus, moi je pense, que d'autres joueurs. Moi ce qui m'a gavé, c'est que ça avance pas, quoi. C'est un golem de 15 millions de tonnes, et ben ça avance pas vite, et quand tu meurs, tu recommences pas à 20 mètres de là où tu es mort, tu recommences au début de la ville. Donc si tu as un adversaire qui est au bout de la ville, et ben il va falloir te retaper toute la ville à pied, et quand tu es mort 20 fois de suite, Et ben, là, au bout d'un moment, t'en peux plus. Tu dis putain, mais le golem, il avance pas, quoi. Ça, il y en a que ça a pas dérangé. Moi, ça m'a pas dérangé au début, mais au bout de quelques heures, à la fin, j'en avais marre, quoi. Ouais, c'est un peu lourd. C'est redondant. C'est ce qu'il y a de le dire. Ça se passe bien quand tu arrives à t'en sortir facilement. Sauf qu'après, le problème, c'est quand tu vas avancer dans le jeu, bah, t'as certains golems, ils sont costauds, quoi. Et quand t'arrives dessus, il faut déjà avoir... tu dis, putain, lui, il a tel équipement, il a tel casque, il a tel truc, il me faut telle épée, il me faut tel casque. Donc déjà, tu vas faire marche arrière et tu vas aller buter les golems qu'il faut pour avoir le matériel possible pour l'attaquer, lui. Et quand tu vas arriver sur lui... S'il te plombe, tu perds ton matériel. Donc le coup suivant, non seulement il faut que tu te retapes toute la ville, mais en plus il va falloir que tu retues les autres golems pour récupérer l'équipement pour l'affronter une deuxième fois. C'est plein de lourdeur en fait, de gameplay. En fait. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu... Ils auraient pu déjà accélérer le truc en faisant des points de sauvegarde. Quand tu es face à un boss qui est quand même costaud, tu sens par moment que la lenteur et tout ça, c'est pour augmenter la durée de vie du jeu. Voilà, tu te dis, c'est pas utile dans le gameplay, en fait. J'aurais préféré, à la limite, avoir un jeu qui dure que 5 heures, mais qui soit abouti, complet, qui soit parfait, quoi. Ok. Donc Golem, ça reste quand même globalement une bonne pioche. Alors attention, c'est toujours les critiques qu'on met en avant. Par contre, c'est un bon jeu. Si l'ambiance est excellente. Un truc à dire aussi, c'est que ça ne se limite pas qu'à des combats de Golem. Puisque vous êtes, en fait, vous êtes une petite fille qui s'est pris un golem sur la tronche, et du coup ça fait mal. Et du coup ça fait mal, et elle a plus de jambes, la pauvre, donc elle est dans son lit. Mais sa famille a des super pouvoirs qui permet de contrôler les golems. Donc on est encore dans cet esprit de, comme dans Pixel Rift, on est dans de la réalité virtuelle, dans de la réalité virtuelle. C'est trop méta. Et ce qui est génial, c'est que cette petite fille, elle peut rentrer dans prendre possession de non seulement des golems pour les faire bouger. Donc vous voyez avec les yeux du golem, mais elle peut aussi prendre la possession d'une petite poupée qui est dans sa chambre. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, avec des cafards qui sont énormes, et c'est super sympa, ces petits passages. Il y a plein de beautés, vous voyez les racines. Mais oui, et puis alors ce qui est bien, c'est que ça ne se limite pas qu'à l'introduction. Les golems, à un moment, il va pas pouvoir passer parce que la porte sera fermée. Vous allez passer sur la poupée, et la petite poupée va passer par les recoins du mur pour aller ouvrir l'engrenage pour faire passer votre golem. Donc il y a aussi cet esprit un peu qu'on peut retrouver dans Moss, où le grand va aider le petit et le petit va aider le grand. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Alors c'est pas toujours ça, c'est pas tout le long du jeu. Pour ça, il faut que votre golem arrive devant la petite poupée, et à ce moment-là, vous pouvez passer dans la poupée. D'accord. Mais il y a plein de bonnes idées. Il est chouette, il est bien fait, avec pas d'aliasing et tout, il serait vraiment très joli. Petit bémol, c'est que les environnements sont, c'est une ville en plein désert et vous ne sortez pas de cette ville. Moi, ouais, j'aurais aimé avoir. Ocre. Voilà, j'aurais aimé que ça change un peu de couleur, mais c'est pas très verdoyant quoi. Voilà, c'est un peu tout le temps pareil. Il a combien celui-là? Le prix? Je crois oui. qu'il a 40 balles, il me semble 39,99. Ouais, 39,99. D'accord. Mais c'est une bonne pioche. Franchement, c'est une bonne pioche. C'est juste des... Là, en attendant un petit peu, là déjà avec le navigation controller, à mon avis déjà ça va. Et puis un patch pro s'ils en ont prévu un, alors là ce serait le top. Ok. Bon, on verra ça à l'avenir. Du coup, s'il y a des choses qui sont prévues à ce niveau-là, on vous tiendra au courant sur le site, bien évidemment. Moi, je vais vous parler vite fait, mais alors très vite fait, hein, parce que j'ai juste vu Spanxy jouer. Et donc il y a la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, c'est Stormland qui est sorti sur Oculus et qui est un jeu d'Insomniac Games. C'est ceux qu'on fait donc Spider-Man, Ratchet & Clank, Spyro, donc c'est pas des manches. Et c'est un jeu d'aventure un petit peu à la Seeking Dawn, je sais pas si vous avez... je vous avais fait essayer, les gars, ouais. À la maison. C'est un jeu qui était quand même vachement attendu par la communauté VR-PC, on va dire. Parce que ça promettait en tout cas d'être un jeu extrêmement riche, long et avec un gameplay intéressant. C'est donc un jeu d'aventure, on incarne en fait un gentil robot qui s'est pris une tempête et qui est un petit peu mal en point au début de l'aventure et qui se fait attaquer par des méchants robots. Voilà, c'est comme ça qu'il a résumé le scénar, Spanx. Je trouve que c'est plutôt un bon résumé. Le jeu est complètement en anglais, donc forcément, il y a beaucoup de détails beaucoup plus intéressants que ça, mais bon, il faut quand même arriver à suivre la trame. Et en fait, ouais, c'est à base donc de gunfight, d'amélioration de ton robot, d'exploration, beaucoup de grimpettes. Tu peux aussi rider sur l'eau entre plusieurs petites îles. Mm-hmm. Graphiquement, c'est assez magnifique. Il est vraiment très très beau. Ça m'a fait un petit peu penser à l'ambiance du premier Crysis en fait. C'est très verdoyant, c'est très luxuriant, c'est très, très sympa à parcourir. Et il y a un petit truc, donc il se joue en coop aussi. Donc si ça, vous avez sympa, un ami avec une grosse config aussi, ben, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et donc il y a des améliorations à débloquer pour customiser son robot. Il y a une grosse liberté de mouvement dans le jeu et c'est ça justement qui a vraiment frappé Spanx quand il a pu le tester. T'as l'impression que tu peux tout faire, tu peux tout visiter, tu peux sauter, planer, surfer sur les vagues, grimper, enfin voilà, c'est une grosse liberté d'action par rapport à des jeux où on a l'habitude d'avoir malheureusement où justement les commandes sont un peu lentes, bah, comme Golem justement. Ou juste en TP, là il n'y a vraiment pas du tout ce problème là en fait, et c'est assez appréciable. Il y a une autre particularité aussi, c'est que apparemment toutes les semaines le jeu se met à jour, il y a une mise à jour en fait dans le jeu qui fait que tu changes en fait d'environnement, de biome et de quête. Ouais, toutes les semaines en fait le jeu il se régénère exactement, ouais. Et ça c'est un truc il n'avait pas eu encore l'occasion de le voir lorsqu'il avait fait sa preview. Mais au niveau du test, si on fait un test en tout cas pour ce jeu-là, on vous en parlera un petit peu plus. Mais je trouve que ça permet de rendre justement le monde que tu explores vivant. En plus d'être super vaste, ça te permet justement de ne pas t'ennuyer et d'avoir des choses sans cesse renouvelées. Donc ça, c'est de la rejouabilité. Ah ouais, c'est ça. Et puis justement, de ne pas te lasser. Quoi. Mm. Ça, c'est pas mal. Alors après, personnellement, c'est pas un jeu qui me hype énormément, même si Insomniac Games, j'aime bien ce qu'ils font. Quand il me l'a montré, en fait, ça m'a un petit peu fait penser à Seeking Dawn, justement. C'est un jeu très beau, qui est très sympa, avec des gunfights intéressants, mais avec un petit côté trop... pas craft, mais récolte de ressources qui est un petit peu trop présente et un petit peu trop... moi, je trouve ça un petit peu ennuyeux, très très rapidement. Et c'était par exemple assez mal équilibré dans Seeking Dawn finalement. Ouais. Tu t'en rendais compte pas tout de suite, hein, parce que dans Seeking Dawn, les 2-3 premières heures, tu prenais un pied monstrueux, t'étais en perpétuelle évolution dans l'évolution de ton perso et de l'histoire et la découverte. Mais au bout d'un moment, voilà, t'avais vraiment un moment, un gros creux, un ventre mou dans le jeu. qui faisait que voilà, tu t'ennuyais au bout d'un moment. Et j'ai l'impression en fait que Stormland, c'est à peu près le même problème qu'il risque d'y avoir. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Stormland. Ouais, d'ailleurs, je trouve que la vidéo de Spanx, elle est excellente. Donc je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de VR4Player. Comme le dernier podcast, on vous rappelle que on a ouvert la chaîne au jeu PC VR. Alors il n'y aura pas de test sur le site à proprement parler, sauf si c'est un jeu qui sera porté par la suite sur PlayStation VR. Mais enfin voilà, sur YouTube, on vous propose de temps en temps des tests vidéo ou des previews de jeux uniquement PC VR ou à venir sur PS VR. Voilà. Voilà. Et puis le monde de la VR est quand même, c'est quand même quelque chose d'ouvert, parce qu'on sait que Sony a racheté les studios d'Insomniac Games. Donc c'est toujours bien de savoir ce qu'ils sont capables de faire en se disant que potentiellement sur le PSVR 2, ce sera eux qui seront aux commandes. Donc rien que par PS5, curiosité, ouais. Stormland est super intéressant. C'est ça. Vous, ça vous hype un petit peu ce genre de jeu ou pas? Ah, moi j'adore. Ouais. Ouais. Moi pareil, totalement. ne serait-ce que pour l'environnement. Ah, j'adore un truc de robot, je suis content. Ouais, t'as les robots, ça te... robots zombies, c'est gagné, quoi. Robots, ah ouais, Astrobot, j'adore. Non, c'est clair que quand on voit la qualité graphique, bon, ça, on va pas y revenir dessus, mais ça donne envie, quoi. C'est fou. Je suis un grand fan des Ratchet & Clank. Alors, quand j'ai vu Insomniac, je faisais un peu la gueule quand j'ai vu que ça sortait pas sur PSVR. J'étais un peu dégoûté. Et moi, maintenant, j'attends un Ratchet & Clank en VR, hein, sur le PSVR 2. Et quand je vois ce qu'ils sont capables de faire sur Stormland, putain, avec une machine qui a un peu plus de puissance. De patate. Et puis un casque d'une meilleure résolution, putain, ça promet. Même juste en mode jeu de plateforme. Moi, j'aimerais bien. Ah ouais. Ratchet & Clank, justement, c'est mignon, c'est coloré, c'est super sympa. Ça pourrait faire une sorte de Astrobot ou de Lucky's Tale qu'il y a sur PC jeu de plateforme qui pourrait être vraiment. Même à la troisième personne, hein, je serais super content d'être au milieu de. À l'Astrobot. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. J'adorerais, quoi. C'est... Pas nécessairement FPS. Quoi. Putain, écoutez-nous, faites-nous ça. Ouais, c'est tellement bien les jeux de la troisième personne. Ouais, c'est clair. Ou merde. Merde, comment ça s'appelle, CTR en version VR aussi. Ah ouais. Ça serait trop classe. Ouais, parce que VR carte, bon. Ouais. C'est compliqué. Comme VR ping pong. Bon. Comme VR ping pong. Ping pong. C'est ça. Ah, mais il y aura peut-être VR carte pro. Peut-être, ouais, non. Ah, tu nous fais rêver là. Bon, bah voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. On a parlé donc pas mal de Stadia. Half-Life VR, quand même, hein, je le rappelle. Half-Life Alyx. Ouais. On va regarder de très très près. Donc, il a vraiment été pensé pour la VR. Et ce qui est intéressant, c'est que là tout à l'heure, je regardais un petit peu ce qui était sorti à propos de ce jeu. Et. Ce qui est super intéressant de lire, c'est que ils se sont rendus compte qu'en développant le jeu, au début ils avaient l'intention de le porter aussi sur écran plat, on va dire. Et en développant le jeu, ils se sont rendus compte de toutes les possibilités qu'apportait la VR, que c'est impossible de le retranscrire les notions de gameplay sur un clavier ou une souris, quoi. Donc moi je trouve cette phrase importante dans le sens où ils prennent conscience, s'ils ne l'avaient pas déjà pris, que voilà, la VR, ça ouvre un univers totalement différent et avec des possibilités énormes, et ça, c'est génial. Ouais, c'est vraiment énorme. C'est ça. Bon, en tout cas, comme disait Cyril tout à l'heure, il y a des vidéos maintenant PC VR sur la chaîne YouTube. Je pense qu'en mars, il y aura certainement une bonne grosse vidéo de Half-Life Alyx. Ouais. Soit par mes soins, soit par ce on va éviter de faire des vidéos de jeux qui n'en valent pas la peine. Par contre, des bons gros jeux sur PC, de voir l'avancée justement des développeurs sur des gros jeux, sur des grosses configurations, c'est vachement intéressant, même si on n'a pas prévu de débourser 1 000-1 500 euros dans un PC, c'est vachement intéressant de voir ce que la VR de demain nous attend, ce qui existe, nous proposera. Voilà. Ce qui existe, ce qui peut être innovant justement sur PC, pourquoi pas sur la PS5 de demain. Tout quoi. À fait. Donc, tout à fait. Faut pas rester avec des œillères, en fait. C'est pour ça qu'on propose ça justement, et qu'on se permet d'en parler aussi en podcast. Donc voilà, écoutez, merci les gars. C'était un gros plaisir de discuter avec vous encore. Plaisir. Est-ce que pareil. Mais on t'en prie. On en a oublié, hein. On n'a pas parlé de The Curious Tale of the Stolen Pets. Ah merde. Oui, t'as raison. Oh, t'as raison. Justement, je vais terminer en plus sur une note positive parce qu'on a fait quand même pas mal de jeux moyens. Il y avait un super enchaînement à faire parce qu'on parlait des petits jeux mignons avec Astrobot à la fin et puis là, pouf. Les petits jeux mignons. Excuse-moi, Lolo, je t'ai complètement zappé. The Curious Tale of the Stolen Pets. Lolo, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une petite expérience, mais c'est une expérience qui vaut son pesant d'or, en fait. Alors, toutes les personnes... Alors, c'est vrai que les expériences, maintenant, on est arrivé à une phase en VR où ça fait peur. Quand on vous parle d'expérience, ça fait même... on en a tellement bouffé des expériences qu'on n'en peut plus, on veut du vrai jeu. Par contre, ben, y a quelques expériences qui peuvent plaire à une certaine partie des joueurs, parce que ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Ceux qui ont aimé des trucs comme Allumette, comme Fisherman's Tales, comme même les graphismes d'Astrobot, ben, on est pile dans ce style-là. C'est quoi ? C'est tout. C'est comme le nom du jeu l'indique. Vous allez avoir un peu à la façon de God Game, vous allez avoir des petits mondes qui vont être sur des plateaux devant vous. Et il va falloir retrouver des petits animaux cachés dans ces mondes. Mais bon, bah bien sûr, ils ne sont pas cachés derrière un buisson, et puis tu enlèves le buisson pour le trouver. Il va falloir utiliser des mécaniques pour les sortir. Donc il y a aussi des réactions en chaîne. Il va falloir, je dis un exemple au hasard, tu as un coffre qui est verrouillé par 3 clés. Il faut retrouver d'abord les clés pour activer le truc. Ou dans le coffre, tu vas trouver un code. Et puis dans ce code va te permettre d'activer une autre machine qui va ouvrir une porte. Et de là, tu vas trouver ta bébête. Donc c'est un puzzle game. C'est incroyablement chouette. J'étais comme un gosse, moi, devant ça. Alors c'est pas très long. C'est pour ça que c'est vraiment une expérience. Vous aurez fait le tour, on va dire, fini le jeu à 100% en maxi 2h30. Ouais. C'est quand même proposé à 14,99€, donc c'est pas donné pour une expérience de 2h30. Par contre, c'est une expérience de qualité. Donc, même si dans quelques temps, bah, si les prix commencent à baisser ou si vous avez tout simplement envie de le faire, c'est vraiment un truc que je conseille. Il y a une petite morale, il y a une petite histoire. C'est super sympa. Il est sous-titré en français, qui n'est pas Golem, on en a pas parlé tout à l'heure, il n'est pas du tout sous-titré du tout Golem, donc l'histoire, on s'y assoit dessus. Et puis graphiquement, il est magnifique, les éclairages, tout, c'est superbe, c'est de la qualité graphique de Astrobot, franchement, c'est vraiment très chouette. D'accord. Ouais. Les musiques sont toutes très adaptées au style, donc ça reste enfantin, ça reste un peu des musiques à la Ian Pearson, d'ailleurs l'auteur c'est très inspiré de Ian Pearson, il s'en cache pas. Mais c'est vraiment une belle petite réussite, une belle petite expérience pour ceux qui, entre deux gros jeux qui vont vous monopoliser 20 ou 30 heures en VR, et ben un soir vous dites tiens, j'ai pas envie de me prendre le chou, je vais me faire ça. C'est un bon film, c'est comme un bon film quoi, mais franchement ça vaut le détour, c'est super sympa. Une petite bulle d'air frais en fait. C'est ça. C'est ça qui inspire quand tu regardes la vidéo. À la fin, on est content quoi. Ouais, c'est ça, c'est le feel good game quoi. C'est ça. Il est content. Ouais, il en faut de temps en temps. Ah non, franchement, c'était une belle surprise parce que j'étais un peu allé à reculons et putain, quand les 3 premières minutes, quand j'ai mis le casque, j'ai fait waouh, ça a de la gueule. D'accord. Bon, c'est pas n'importe qui derrière, hein, c'est Fast Travel Games, c'est développeur de Apex Construct. D'accord. Bah oui, donc ils ont déjà tâté le terrain. C'est déjà du lourd, ouais. Ouais. Et ça vaut, ils aiment bien les graphismes un peu épurés. C'est lissé, les textures sont lissées. Mais lissé, voilà, c'est ça. Ça marche, oui. Mais c'est propre. C'est super propre dans le casque, quoi. Et je parle d'un PSVR, alors j'imagine même pas dans un PCVR ce que ça doit donner, quoi. Je me souviens encore de quand j'avais fait le test de Along Together, le côté, voilà, c'était pareil aussi, des graphismes très enfantins, très épurés, mais c'était d'une netteté. Je crois que j'ai jamais vu en fait un jeu aussi net que ça sur PSVR. Ah, c'est super, ouais, franchement, c'est ce que je me suis dit, hein, quand j'ai mis le casque, premier tableau, deuxième tableau, puis chaque tableau t'en prends plein la poire. Et puis t'as plein de surprises, alors je vais pas les dire, mais et des fois t'actives des molettes et puis il se passe un truc, donc c'est vraiment bien foutu, c'est franchement le personnage meurt. Non, c'est vachement bien. D'accord. On se sent un petit peu ému là, Lolo. Ah ben, il y en a pas beaucoup, tu sais, moi Allumette, il était gratuit, je crois. Non, il était à 5€, il me semble, quand il était gratuit. Non, en 2016 il était à 5€. Allumette. Non, moi je l'ai eu gratuit du casque. Ouais. Ouais. D'accord. C'est le genre de petite expérience qui m'avait marqué. Alors est-ce que c'était les débuts de la VR ? Et du coup, j'avais cet effet waouh qui poussait un peu au cul. Mais disons ce côté un peu où on a vraiment l'impression d'avoir des jouets qui s'activent devant toi, et ça rend tellement bien dans le casque malgré sa faible résolution. C'est là où tu te dis qu'un Mario Kart ou des choses comme ça de chez Nintendo sur un casque VR, mais ça serait une tuerie, quoi. Mmh. Et ça, ouais, franchement, c'est une super bonne surprise, parce que je pensais pas qu'il allait autant. Et ça va plus loin que la simple histoire de... Il y a une histoire entre votre sœur et vous. À la fin, il y a une petite morale. C'est bien construit, c'est bien réalisé. Et d'ailleurs, ils viennent juste de gagner le prix du VR Now Con de la meilleure expérience 2019. Ah d'accord, ok. Voilà. Je l'ai mis dans l'article parce que j'ai vu qu'ils ont été primés hier. Ce qui prouve aussi que les jeux enfantins ne sont pas forcément des jeux débiles et un petit peu bas de plafond, quoi. Il peut y avoir aussi une trame derrière, une histoire, une morale, comme tu disais, ça. Et ça c'est bien ça. Il y a la musique qui fait son petit effet, les graphismes sont magnifiques, les enfants de 7-8 ans vont se faire plaisir. Alors, ils arriveront peut-être pas à résoudre toutes les énigmes. Il faudra les aider un peu. Ils n'ont pas le droit de mettre le casque. Il faut pas leur mettre le casque. Les parents qui jouent à la VR, je pense qu'il y en a de temps en temps. Enfin, moi, ma fille de 8 ans et demi, ma fille de 8 ans l'a fait, elle l'a terminé. Elle a adoré. Ouais, d'accord. Elle joue sur des petits jeux comme ça, elle joue, mm-hmm. parce que je sais que c'est pas long. Elle va faire 4 sessions de 30 minutes et elle adore, quoi. En plus, il y a 5 niveaux, donc tu peux lui faire un niveau de temps en temps. Elle jouera 20 minutes, puis elle sera toute contente. Voilà. Et puis pour les adultes, c'est pas très compliqué. C'est là où ça reste une expérience, mais un petit peu comme The Playroom VR, qui était une simple petite expérience et qui avait quand même fait son petit effet, hein, qui était et gratuite. Toujours, qui est dans le top 50. Donc voilà. Eh bien, c'est un jeu qui, à mon avis, est une bonne expérience et qui mériterait d'avoir un vrai jeu derrière de 40 niveaux dans cet esprit-là. Mmh. Ça serait une tuerie, quoi. Avec un peu plus de difficulté quand même, parce que c'est quand même assez facile. D'accord. D'accord. Ok. The Curious Tale of the Stolen Pets. Voilà, ça, j'ai réussi enfin aussi à le dire une deuxième fois, sans trop bafouiller. Eh ben, merci Laurent, désolé de t'avoir oublié encore. Hein, j'ai une dernière parenthèse à rajouter, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas très bien, mais c'est ce qui est normal. Hein. C'est pas parce qu'on met The Curious Tale of the Stolen Pets, je crois qu'on lui a mis 8 sur 10, ce n'est pas parce que ce jeu, cette expérience-là a 8 sur 10, qu'elle est équivalente à un gros jeu, qui a 8 sur 10. On a classé en fait nos tests avec, vous verrez, il y a toujours une petite lettre A, B, C. A, c'est en général des jeux qui sont faits par des studios à gros budget, donc qui ont les moyens et des grosses équipes. Des fois, il y a des équipes de 50 personnes sur un seul jeu, donc ils ont des gros moyens. Ça, c'est les A. Les B, c'est les indépendants, donc les jeux qui n'ont pas forcément des gros moyens, mais c'est la grande majorité des titres du catalogue. Et les C, ce sont les petites expériences. Donc le 8 sur 10 ne vaut que pour la catégorie C'est la catégorie petite des expériences. Voilà. C'est ça. Bah, tu fais bien de le rappeler. T'as raison. Par exemple, Blind Spot est en B. Il y a Golem, c'est B. Bah, surtout, principalement du B. Hein. C'est quasiment que Pro, du B. C'est B. Léa, ça va être ben, Resident Evil, Capcom. C'est quand il y a une sacrée équipe derrière et que ça devient relativement conséquent. No Man's Sky, ouais. Voilà. Ils ont des moyens. Et surtout des moyens pour faire. Alors par contre, oui, c'est sûr que le type qui se prend un 2 en catégorie A, c'est qu'ils ont des gros moyens, mais ils ne se sont pas trop foulés. C'est vraiment, vraiment pas de talent, quoi. Ça arrivera okay, pas. Ok, parfait. Bah, on n'espère pas, en tout cas. On n'espère pas. Très bien, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je pense n'avoir oublié personne, de cas, j'espère, sinon vous m'engueulez. Merci encore les gars, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver si vous nous écoutez en même temps, vous savez ce que vous pouvez nous retrouver. Je pense que c'est plutôt logique. Et puis on remercie les tipeurs, on remercie les auditeurs, on remercie qu'est-ce qu'on peut remercier encore? On peut remercier, je remercie ma maman, voilà, sans elle je ne serais rien. et puis voilà, les gars, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dans 2 semaines. Allez, ça marche. Ça marche. Ciao tout le monde. Ciao. Allez, bye. Ciao tout le monde. Bye. Salut. Le final à l'arrache. Hein. le final précipité parce qu'on a déjà 2 heures d'émission. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Hein.